Bonjour à tous et bienvenue sur De droite à gauche, un podcast sur les mangas. Ici Florimon, je suis avec Mélanie. Peux-tu te présenter ? Moi c'est Mélanie, j'ai 25 ans et je suis Game Master dans un espace en réalité virtuelle. D'accord, et je suis avec Lucas. Bonjour, donc moi c'est Lucas, j'ai 24 ans, je suis architecte à Paris, même si je viens du fin fond de l'est de la France. Et donc, je suis Normand et je suis Community Manager sur Paris. Donc dans notre podcast, on va essayer de vous présenter des mangas, de parler de l'actualité, de revenir sur des thèmes qui nous touchent. On va essayer de débattre, de converser autour, donc ça va être un peu de tout, entre le débat et la présentation de news et de mangas que vous pouvez découvrir. On va commencer par les mangas que chacun a apprécié dernièrement, donc Mélanie, si tu veux commencer. Moi, il y a un manga qui m'a beaucoup marqué ces derniers temps, c'est le manga Éclat d'âme de Yuki Kamatani. Aux éditions Akata et avec comme traducteur Aurélien Estagère, je suis pas sûre de la prononciation. C'est un manga qui m'a marqué et qui est un peu dans la même veine que Le mari de mon frère, qui est aussi aux mêmes éditions. C'est en fait des tranches de vie, mais dans tout ce qui est qui parle en fait des communautés LGBT, et du coup en fait c'est super intéressant, c'est super émouvant. On découvre plusieurs histoires, d'une certaine manière, crises identitaires. Il y a le personnage principal au départ qu'on suit qui a voulu mettre fin à ses jours parce que il a eu un coming out forcé. Et en fait, il va découvrir un salon de discussion, un café en fait. Et en fait, c'est un café ouvert à toute personne qui est un peu comme lui, qui traverse une crise et qui sait pas qui il est encore exactement. Et du coup, dans ce salon, on va trouver des lesbiennes, on va trouver des personnes trans également. Et du coup, on va découvrir plein de personnages. Tous ces personnages sont émouvants, tous ces personnages ont une histoire qui touche et en fait et qui surtout nous ouvre à toutes les problématiques rencontrées par les personnes LGBT, donc tout ce qui est homophobie latente, homophobie refoulée, homophobie un peu plus brute de décoffrage, et c'est super émouvant. On voit un mariage lesbien, plein de personnages, plein d'histoires super importantes à découvrir dans notre société actuelle. Et puis le manga aussi est très très très beau, donc en plus de l'histoire et de l'art, du coup c'est un super manga à découvrir. Top. Ok, super. Lucas, toi, ton dernier manga coup de cœur ? Alors mon dernier coup de cœur, c'est Blame de Tsutomu Nihei, traduit en français par Johan Leclerc aux éditions Glénat. J'ai découvert ça du coup via une chaîne YouTube, Al236, qui présente plein d'œuvres, pas forcément du manga en soi, et assez diverses et variées. Et le concept de Blame avait l'air vraiment intéressant, puisqu'en fait, j'ai lu que un tome pour l'instant, donc à voir sur la suite, mais c'est assez étonnant dès le départ, puisqu'on a quasiment pas de texte en fait. Le personnage évolue dans un monde énorme, on sait pas vraiment ce que c'est. C'est un genre de très très gros vaisseau, mais genre d'une dimension aberrante, Star Wars, pas les Stromboli à côté de ça. Et le personnage avance, il a un but, on le connaît pas encore trop, c'est assez flou pour l'instant. En fait, l'histoire se met en place à la fin du tome 1, et je compte pas trop m'avancer là-dedans du coup pour l'instant. Mais on suit vraiment un personnage qui évolue dans des décors ultra impressionnants. D'un point de vue graphique, vraiment, l'auteur fait un travail qui est assez fou pour rendre ça très immersif et très étonnant. Il y a un côté... C'est une SF un peu cyberpunk, mais organique en même temps, qui est assez original, qui l'était sans doute encore plus à l'époque de la sortie qu'aujourd'hui en soi, mais malgré tout. Ce qui est intéressant sur Blame, en fait, c'est que du coup, comme on est dans un monde où on avance et on découvre plein de visuels, les architectures qu'on voit sont incroyables et très inventives. Des fois, on comprend pas vraiment ce qu'on voit, et ça peut être un peu perturbant, en fait, pendant, je dirais, le premier chapitre, de suivre comment se déroule l'action, puisqu'il n'y a pas de mots pour t'aider, pour guider le lecteur, donc voilà. Et Blame a notamment connu une adaptation sur Netflix tout récemment, en 2017, je crois. Je sais pas si c'est un film qui reprend tout, alors si c'est une mini-série, à vérifier. Mais voilà, comme quoi, il y a une belle actualité dessus, et l'auteur, Nihei donne envie de s'intéresser à lui. Il a de toute façon fait des choses, enfin Blame est vachement connu je crois quand même, même si je connaissais pas avant il y a pas longtemps personnellement. Et il y a un animé, je crois, ou c'était un manga adapté en animé, Knights of Cydonia. Pas la chanson de Muse, mais un autre truc du coup, qui est assez connu aussi. Un voilà. Manga, je crois aussi à la base. Je crois que c'est un manga de vie. Et de toute façon, il y a toujours des actualités, des trucs qui sortent, on les a vus au coup, qui donnent envie aussi. Donc, ouais, que ce soit en termes d'ambiance, de graphisme haute, gros coup de cœur pour ma part, j'attends de voir la suite. En soi, c'est dur avec un seul tome, de se faire un avis global, on va dire, mais voilà, c'est à poursuivre. C'est en 6 ou 7 tomes, non? Je crois que c'est 10 tomes en édition originale, mais là c'est des gros tomes, donc je suppose que les 6 tomes sont finis, je sais pas exactement, mais... Ok, d'accord. Et moi, mon dernier coup de cœur, c'est Beastars de Itagaki Palou, c'est une autrice, c'est traduit par Anne-Sophie Thévenon. Donc on vient d'avoir un anime qui vient de finir, et en France, je crois qu'ils sont à une dizaine de tomes environ. C'est édité chez Kiun d'ailleurs. Et pour faire simple... C'est un monde avec des animaux anthropomorphes. On suit principalement le héros qui est un loup, Legoshi, et qui du coup est un lycéen. On suit ses petites aventures entre amis et entre lycéens, sachant que en fait il y a toute une parallèle entre leur monde et le nôtre, entre les violences de l'État, les violences sociales, les violences racistes ou sexistes, etc., qui sont remis dans leur monde avec tout ce qui est racisme des espèces, racisme entre, je sais pas si on peut dire racisme, spéciste peut-être, entre les carnivores et les végétariens. Et c'est vraiment super sympa, où on découvre comment les espèces interagissent entre eux et comment un loup qui essaie d'être non violent doit faire face à sa propre espèce, ses propres instincts et ceux des autres espèces et de tous les a priori qu'ont chacun sur les autres. Donc c'est vraiment très très riche, et l'anime est superbe d'ailleurs, si vous voulez commencer par l'anime plutôt que par le manga. Moi le manga je l'ai pas encore lu, mais ça me tarde d'arriver. Ça ne saurait tarder, bien joué. Et on fait pas que découvrir des mangas, on découvre aussi la langue française. Oui, c'est important. Pour enchaîner, la principale actualité de la semaine... Il y a beaucoup de sorties, mais on voulait parler surtout de la réédition de Shaman King par Kana. Donc Lucas, peut-être pourra me confirmer le nom de l'édition. C'est un truc genre Deluxe ou... L'édition qu'on a en français, c'est la Star Edition. Tout Star Edition. Ils sont pas allés chercher trop loin. C'est moins original que Kangzen Bang, mais c'est moins dur à prononcer. Donc c'est, yes. Ça va être un avantage. Donc ça vient de ressortir. Donc ce sera des doubles tomes. Il y en aura 17. Le tome 17 est déjà sorti. Puisque Kana a fait un truc qui est plutôt intéressant et intelligent en fait pour le public qui a l'édition originale. Shaman King a été compilé en 32 tomes en France dans les années 2000 et il n'a jamais connu de vraie fin. Tu développeras peut-être plus après, je sais pas. Enfin, a été coupé, on va dire. La fin a été ravancée. L'auteur, environ 5 ans plus tard, a pu fournir une vraie fin qui est sortie au Japon dans une nouvelle édition qui est magnifique et que je regrette infiniment de ne pas avoir en France. Et du coup, Kana propose en fait un tome 17 de sa nouvelle édition avec une couverture réversible qui se transforme en tome 33 de l'ancienne édition. Donc c'est pas exactement le même dos, etc. Mais il y a un bel effort quand même pour permettre au premier lecteur d'avoir de pas racheter l'intégrale s'ils ont pas envie, quoi. Donc c'est un bel effort de Kana qu'on peut saluer en effet. En plus, ils le sortent directement avec la sortie avec la ressortie du tome 1. Et un tome 1, et du coup tous les autres tomes d'ailleurs sont en partie redessinés, en tout cas il y a certaines cases qui sont redessinées un peu partout dans les tomes. Ça n'a pas transcendé non plus en soi, il y en a au moins une que j'ai repérée, mais je pense que c'est plus parce qu'on l'avait déjà vu en amont. C'est une des couvertures de chapitre, je crois, mais c'est pas ultra notable, c'est moins que ce que je craignais en soi. Je pensais qu'il y aurait un peu trop de redessins par-ci par-là, et non, ça reste subtil. Bah, c'est parce qu'en fait il a redessiné certaines cases avec le style de l'époque, il a pas voulu adapter à son style maintenant pour pas faire une grosse différence qui serait vulgaire, mais du coup c'est assez subtil, mais du coup ça met quand même à jour certaines pages, on peut le sentir aux cheveux, etc. Il a step up de ce côté-là en 33 tomes, donc forcément du coup c'est super agréable quand même quand tu le remarques. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, juste pour finir sur la réédition, donc on aura 2 tomes tous les 4 mois, donc ça fait l'équivalent de 1 tome par mois si on veut faire simple, puisque c'est 2 doubles tomes qui sortiront. Et en même temps, pendant les trous et les espaces entre tomes, il y aura la sortie de Flowers, qui est la suite directe, je sais pas si on peut dire direct, mais de Shaman King, qui sortira tous les 3 mois environ. Je crois dès mars ou avril. Dès le mois de mars, c'est ça. Et du coup, on aura 4 tomes cette année, et les deux suivants l'année prochaine. Ça m'étonnerait que, même si jamais ça marche pas, je pense pas qu'ils feront autre chose que les 6 tomes, de toute façon. Enfin, Kana propose un par mois. Oui, quoi, mais... ils ont a priori assuré la sortie de Flowers. C'est ça. Donc on aura To Shaman King plus Flowers. C'est quand même un gros pan de la carrière de Takei. Et je sais pas si on avait dit que l'auteur était Takei. On a pas du tout cité Hiroyuki Takei, on a pas du tout cité le traducteur. Mais est-ce qu'il y a besoin? Hiroyuki Takei, il y a besoin parce que cette personne mérite. Et le traducteur est Sébastien Guessel. Et actualisation de la traduction par Rodolphe Jiquel. Bon, ça va. Et oui, Hiroyuki Takei mérite parce qu'il a un discours global dans ses œuvres qui est vraiment pas inintéressant à suivre. Non, mais justement, je me disais que du coup, tout le monde le connaissait. Et que justement, il n'y avait plus besoin de le présenter. C'est un manga qui s'est très bien vendu en France. À l'époque, c'est pour ça qu'on a été jusqu'au tome 32 alors qu'il savait qu'il était annulé au Japon. Après, c'est une vraie fin quand même en soi. Enfin, c'est une... fait ce qu'il a peu pour clore. C'était une fin. C'est une fin très ouverte. C'est une fin ultra ouverte qui se finissait sur la non-fin qu'on attendait depuis 32 tomes. Oui, c'est un peu ça, même. Mais pour faire simple, Shaman King, ça raconte l'histoire d'un. Shaman. D'un gamin qui est un shaman et qui va du coup combattre pour l'avenir de la Terre puisqu'il y a un shaman fight tous les 500 ans. Et que tous les chamans du monde s'affrontent pour gagner le comment il s'appelle le Great Spirit qui permet en gros de devenir dieu. C'est plus ou moins ça. Bah, dès le tome 1, en fait, on fait des il y a un personnage Manta qui est le meilleur ami de Yo, qui est un peu c'est comme le lecteur, il débarque dans ce monde en fait en connaissant rien, puisque lui c'est un humain normal qui découvre l'univers des chamans. Yo étant le personnage principal, ce qu'on n'a pas dit non plus, Yo Asakura de son nom complet. Manta du coup en fait pose une question et Yo lui répond pas en disant que mais peut-être que Jésus et Bouddha, deux sauveurs qui datent d'il y a environ 2000 et 2500 ans, pourraient être des Shaman King. Et bon, voilà, la série n'y répond pas, mais en fait c'est clairement esquissé et Flowers mais pas on parle pas par hasard. Je me demande si The Superstars en fait répond pas à la question. Enfin Flowers, je sais plus. Mais voilà. Du coup, c'est des beaux combats, donc c'est du gros shonen. Hein. Il y a du level up, il y a des entraînements, il y a un tournoi. Alors le but, c'est que ce qui est assez différent contrairement à d'autres mangas, c'est que le tournoi n'est pas un seul arc à un moment. Le tournoi, c'est tout le manga. Mais on n'a pas des phases de poule et on les affronte pas un par un avec une finale à la fin. On sait qu'en fait, c'est super large et espacé les combats. Des fois, il y a des tomes entiers entre deux combats. Et en fait, on va vraiment dans la vie des chamans, etc. Il y a beaucoup de rebondissements. Il y a des morts. Il y a pas mal de morts. Pas spoiler, voilà. Du coup, pour moi, c'est un spoil. Ouais, bah après, oui, non, tu verras, mais... dans les grands mangas, il y a toujours des morts. Après, il y a surtout un antagoniste qui est incroyable, en fait. Ao, qui est... C'est un antagoniste qui arrive, tome... assez rapidement, mine de rien. 7-8. Déjà, il apparaît, genre, sur les covers de chapitres ou autres. Ouais. Peut-être pas dans le premier tome, je me souviens pas l'avoir vu, mais très tôt, on le voit avec une proto-version de Spirit of Fire, notamment, son esprit. Puisque les personnages se battent avec des fantômes. Oui, bah, c'est des chamans. Mais quoi. C'est la base, j'avoue. Oui, voilà, ils ont tout à l'envers. Complètement. Par la fin. Vous excuserez, c'est la première fois. C'est ça. Ouais, Ao, gros antagoniste. Dans les sondages, il était très souvent soit deuxième personnage le préféré des fans après le personnage principal Yo, voire devant lui en fait, ce qui est relativement notable, je dirais. Enfin, je suis pas. Et en même temps, c'est assez assez évident, notamment parce que les Japonais jouent souvent aussi au chara design et qu'ils ont le même, donc ça aide pas mal. Moi, je me dis que Manta, ça devrait être le meilleur, le préféré quoi, Manta. Ouais, Manta le speedwagon de cette. C'est ça, saison. Exactement. Parce que moi, du coup, je découvre. J'avais jamais lu Shaman King et en fait, je connaissais uniquement de nom. Et en fait, j'ai lu deux chapitres, voilà. Gros début. De gros début, hein, j'ai lu deux chapitres. Et en fait, effectivement, Manta, parmi les deux chapitres, il est omniprésent. Et en fait, j'ai eu direct la pensée, si vous connaissez Jojo, vous devez connaître Speedwagon. Et en fait, Manta, c'est le Speedwagon de Jojo, c'est-à-dire qu'il parle, en fait, et qu'il décrit et qu'il explique tout. Et comme Lucas l'a dit, en fait, c'est le lecteur et c'est nos yeux, en fait. Mais du coup, il a... Généralement, Manta, dans le dessin, il a des yeux qui partent un peu en cacahuète à chaque fois. Disons qu'il surréagit un peu tout le temps. En même temps, vu ce qu'il arrive, j'imagine que à sa place, on serait un peu pareil. Oui, j'avoue. Mais le style de dessin, en fait, au tout début, est assez comique. Un peu caricatural, mais voilà, en fait, les personnages sont des grosses jambes. Yo a des pieds gigantesques, etc. Mais c'est plus un début en fait. Il s'est vachement affiné avec le temps et. Totalement. Les dessins de Phantom, enfin des fins de la série sont incroyables quoi. Après, de la fin de la série classique était déjà beau, mais là vraiment ouais. le tome 17 qu'on a ici qui est intégralement composé des nouveaux chapitres, mais dans lequel on a inséré quelques chapitres de l'ancienne fin en fait. Ça permet vraiment de comparer ça qui est assez stylé. Mais ouais, le graphisme de l'auteur est fou. Enfin, pour ce que peut valoir Ultimo, manga qu'il a plus ou moins co-écrit avec Stan Lee, en fait, c'était un peu une grosse originalité. Je sais pas quelle est réellement la part d'intervention de Stan Lee là-dedans, est-ce que c'est juste du pour vendre ou pas, je ne sais pas, je ne jugerai pas Stan Lee, quoique. Donc là, là, je précise, on parle donc de Ultimo, qui est un manga qui est sorti en France et qui est fini. Ouais, Karakuri Doji Ultimo. 13 tomes. Qui a été a priori co-écrit par Stan Lee, on ne sait pas s'il a juste pas co-écrit le pitch de base, mais il y a un personnage qui, effectivement, est Stan Lee dans. C'est son caméo en soi, mais c'est Don Stan, c'est l'antagoniste principal. Voilà, qui est depuis le tout premier tome qui apparaît souvent. Donc, et les dessins, pour le coup, sont ceux de la. En termes de qualité, sont ceux de la fin de Shaman King. Ils sont vraiment très très beaux. Et voilà, ils sont magnifiques. Et Ultimo, ça raconte l'histoire de marionnettes qui traversent les âges et qui incarnent des valeurs. C'est ça, les 7 vertus cardinales et les 7 péchés capitaux. Non, c'est pas 7 vertus cardinales, du coup, ils sont moins nombreux que ça. Ils sont 6 gentils et 7 méchants. Ouais. Mais. C'est un des gros intérêts en fait de l'écriture de Taikei, c'est que c'est pas des gentils et des méchants. C'est le but, c'est en gros que c'est de montrer que chacun des personnages, des marionnettes, peut passer dans un camp ou dans l'autre, et il y a une vraie réversibilité qui est pas. C'est pas l'habitude du shonen simplement où on bat un personnage qui est l'antagoniste et ça devient un super pote comme c'est très régulier en fait. Même si c'est comme ça que le début de Shaman King. Tout à fait. N'est-ce pas, Taoren? Donc voilà, donc ça c'était la sortie Shaman King, c'est réédité et on vous le conseille, hein, c'est vraiment un manga assez culte pour les lecteurs des débuts des années 2000. Et voilà, ça se passe chez Kana et ils méritent au moins de s'intéresser au tome 1 vu le travail qu'ils ont fourni ici. De manière générale, on mérite de s'intéresser à ce manga de toute façon. Exactement. Il doit être redécouvert. On va attaquer le thème de l'émission. Donc, on aime bien débattre sur des choses, et notamment un truc qui nous intéresse pour rebondir sur Shaman King, c'est le concept de shonen et les grands pivots, les grands éléments du shonen. Et actuellement, on est à donc 50 ans du Jump, et on a quand même des mangas qui sont beaucoup vendus dans le monde entier et qui se ressemblent pas mal en termes de personnages, de buts, d'éléments d'intrigue, etc. Mais s'il y a beaucoup de différences entre un One Piece et un Naruto, il y a quand même un élément central du le héros un peu bené, très courageux, qui veut sauver le monde. Enfin, même si Luffy ne veut pas totalement sauver le monde, et même si on n'est presque pas sur un héros protagoniste principal pour Luffy, tellement il y a de personnages, tellement ils sont tous mis en valeur. Après, Naruto veut pas non plus sauver le monde au début, c'est qui se développe au fur et à mesure quand les level-up du manga, mais ça but très surtout d'être reconnu, en fait. Oui, mais sauver ses amis, tout ça, être Hokage. Mais oui, c'est parce qu'en fait, il est embrigadé de force dans les trucs qui sauvent le monde, quoi. C'est ça. Un peu comme Goku l'était. Goku a jamais voulu sauver le monde. Il veut juste être le plus fort. C'est pas faux. Mais du coup, je me suis demandé, qu'est-ce qu'on aimerait voir dans les shonen? Qu'est-ce qui différencie un shonen d'un autre? Et la base, c'était donc l'action sur Shaman King, où dedans, on a plusieurs choses qui sont pas dans d'autres mangas. Par exemple, des personnages féminins. Fort, important pour l'intrigue, pas seulement et elle a un combat tous les 15 tomes. C'est pas un love interest basique. C'est pas un love interest en plus. Sakura. Voilà, on a ça. On a le monde entier qui est intéressé par le sujet du manga. Ça se développe au fur et à mesure. Disons, il y a des chamans absolument partout dans le monde, donc il y a plein de cultures qui sont présentées. Après, le monde. Ça reste un monde qui est un peu caché. C'est un monde dans le monde pendant une bonne partie de l'œuvre en tout cas. Oui, mais des chamans du monde entier viennent. On a des backgrounds qui se passent dans les endroits du monde entier. Tous les personnages qui veulent être Shaman King. On voit le Bronx. Ouais, on voit l'Angleterre avec Lizard. De toute façon, ils se déplacent aux États-Unis pendant un moment de la fin. Ouais, exact. On a une sorte de guerre mondiale à coup de flotte navale qui vient, etc. Je n'osais pas trop en parler pour le spoil, mais ouais. Ça spoil un chapitre dans tout le manga. C'est vrai. Etc. Mais il faut en parler parce que c'est important et c'est un truc qu'on n'a pas. Par exemple, dans Naruto, il voyage lui-même dans tous les villages, donc tous les villages participent. Très tardif en soi. Voilà. Mais il y a des mangas où tout le monde s'en contrefou et tout se passe au Japon, tel My Hero Academia par exemple, qui est un très bon manga que j'adore. Mais l'intrigue, 100% de l'intrigue se passe au Japon. Or, il y a des mecs dans cette intrigue qui peuvent gouverner le monde en 2 secondes. Mmh. On se demande à un moment pourquoi les héros du reste du monde viennent pas participer. Mais c'est une critique qu'on pourrait faire à tous les comics qui est bonne ou mauvaise en fonction du comics en question, parce qu'il y a des raisons de pourquoi il participe pas, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, parce que en fait techniquement Superman combat des monstres tous les jours et donc ne peut pas aller autre part, mais c'est quand même un truc qu'on voit et qui sont mis en valeur par les films, puisque dans les films on sait, enfin on voit à quel point ça peut être absurde cette réflexion. De toute façon, c'est le principe même quand t'as un univers partagé ou quoi que ce soit, c'est qu'il faut essayer de trouver des justifications diégétiques au sein de l'histoire pour que ton personnage ne puisse pas intervenir, là où dans les faits c'est plus une question d'éditorial, quoi. Enfin, d'éditeur. Évidemment. Donc du coup, voilà, c'est plein de sujets, plein de petits éléments qu'on aimerait voir plus souvent dans un manga, surtout dans des gros shonen à ampleur sauver le monde. Et donc on va faire un petit tour de table de ce qu'on aimerait voir, et je commence par Mélanie. Alors, des femmes. En fait, vraiment, moi, ce que je voudrais, c'est vraiment de voir des shonen avec une femme en personnage principal, mais vraiment en personnage principal. Parce que là, dans les shonen, effectivement, il y a des femmes dans les qui apparaissent, des femmes avec des rôles importants, des femmes avec des rôles importants, des femmes avec des rôles moins importants. Mais en fait, sincèrement, j'ai aucun nom de shonen qui me vient à l'esprit avec une femme en personnage principal dans le shonen. Alors, pour info, j'ai donc recherché un petit peu le nombre de mangas avec des personnages féminins principaux et qui ont comme action de combattre vraiment, donc plus esprit shonen. J'en ai une vingtaine, peut-être même une trentaine si on force un peu, dont je sais pas, une moitié a été publiée dans le Challenger. Mais la plupart datent pas mal. D'autres ne sont que des animes, mais ne sont pas en manga. Et enfin, d'autres sont des shonen que si on tire très fort sur la corde, quoi. Donc c'est vrai qu'on a une place de la femme qui est peu là. C'est-à-dire que on peut chercher par exemple Fairy Tail, techniquement, officiellement, le personnage principal est Lucy. C'est un personnage qui est fort, mais qui est pas plus fort que les autres personnages masculins. Voire qui n'est pas l'élu et qui met pas le coup final au boss de fin. J'ai pas vu la fin de Fairy Tail, mais à mon avis, vu les spoils que j'ai vus, les miniatures, etc., ça m'étonnerait que ce soit pas C'est Natsu, enfin, ça. Natsu qui fasse quelque chose, voilà, effectivement. Il y a plusieurs personnages féminins forts dans Fairy Tail, il faut quand même le saluer. Y compris dans tous les autres mangas de Mashima, d'ailleurs. Mais dans Fairy Tail, il y en a deux forts, il y a Ezra et Luffy. Mais c'est pas l'héroïne. Et c'est pas elle qui sauve le monde pendant les trois quarts du manga. J'ai lu la moitié de Fairy Tail, pour info, donc j'ai au moins pendant la première moitié, c'est sûr que c'est pas elle qui fait le gros du taf. Voilà, je laisse Mélanie reprendre. Mais du coup, ça je trouve que ça me manque, parce que ouais, j'aimerais bien pouvoir voir vraiment un personnage principal féminin qui en fait soit traité en fait comme les personnages masculins. En fait, c'est ça justement qui moi me choque beaucoup maintenant dans ma lecture, qui avant je voyais pas et qui maintenant me stoppe un peu dans ma lecture, c'est vraiment à quel point les personnages féminins sont traités tellement différemment des personnages masculins, alors qu'en fait à la fin du fin, c'est tous des êtres humains, quoi. Donc soit le personnage féminin il a une importance par rapport au personnage principal. Moi typiquement j'ai dans Naruto, parce que c'est le premier manga que j'ai rencontré, en fait, c'est sur le premier manga que j'ai commencé à lire, je me souviens de Hinata, qui en fait a un moment hyper badass, sauf qu'en fait, son moment hyper badass, c'est pour que ça ait un impact sur Naruto. Il y a un nom pour ça, je crois, il y a un concept par rapport à ça, quand le personnage féminin, en fait, meurt pour que, en fait, c'est un impact sur le personnage principal masculin. Ouais, il y a un concept pour ça, je sais plus c'est quoi le nom, mais là, typiquement, en fait, le moment badass Hinata, il est badass, hein, le combat et tout, peigne et tout, c'est trop cool. Mais en fait, il est là juste pour qu'après, Naruto se transforme en Kubi, et c'est tout, point, ça s'arrête là. Donc, c'est pareil, Sakura, c'est personnage féminin du trio. Normalement, si ça avait été bien fait, elle aurait été traitée de la même manière que les autres. En fait, tu sens que l'auteur, il s'en bat les reins de Sakura du début jusqu'à la fin. Et c'est juste que, voilà, à chaque fois, dans chaque shonen, je trouve qu'il y a toujours ce principe qui revient. Soit le personnage féminin, il est important, mais il est jamais plus important que le personnage masculin. Ou alors, c'est une potiche. Ou alors, en fait, elle est là pour aider le personnage masculin. Donc, en fait, les personnages féminins, ils n'existent pas à part entière. Ou alors, il y en a qui existent quand même à part entière, mais ils sont pas nombreux. Et c'est ça aujourd'hui que je trouve qu'il manque. Moi, je veux voir des personnages auxquels je peux vraiment m'identifier, et que ce soit des femmes, tout simplement, parce que moi, et je terminerai dessus, depuis en fait depuis le tout début où j'ai commencé à lire des mangas et des shonen, vraiment des shonen, et en fait je me suis toujours identifiée à des personnages masculins. jamais à un personnage féminin. Et je pense que le lectorat féminin existe et est important aussi. On mérite d'avoir des personnages féminins. Et en fait, pas forcément forts. On peut avoir des personnages... Il y a beaucoup ce cliché aussi de la femme forte, hyper forte, mais en fait, sa force sert le personnage masculin, en fait. On peut avoir des personnages féminins importants sans qu'elles soient, des sakuras à taper des pierres avec des gros coups de poing, en fait. Il manque cette diversité de personnages féminins et cette attention apportée aux personnages féminins. La subtilité, quoi. Comment ? Aussi la subtilité, quoi. Aussi la subtilité, quoi. Il n'y a aucune subtilité dans les personnages. Chez Naruto, effectivement, les personnages forts cassent des cailloux. Le côté bourrin, en fait, de toute façon, c'est un truc ultra récurrent, je trouve. Globalement, le mot féminisme n'a pas sa place ici parce que c'est même pas ça du tout, mais c'est genre essayer de féminiser en se disant non, on fait un bel effort pour la représentation des femmes en montrant ce personnage très fort physiquement. Et c'est, pour moi, c'est un, comment dire, c'est trop facile en fait. Tu fais ça en te disant que tu solutionnes quelque chose et pas du tout. C'est, tu rentres encore plus dans le moule bien clichésque de ce type de personnage. Il y a Tsunade qui casse un caillou et puis après c'est Sakura qui casse le caillou. En plus, c'est ça. Enfin, disons, elles font la même chose. C'est un peu, après, c'est tout le principe de Naruto à ce niveau-là. C'est, ils reprennent eux-mêmes les, enfin, comment dire, ils sont les nouveaux trois Sennin en soi. Sakura, Sasuke et Naruto. Sakura ne fait que ça. Alors que Sasuke à côté, il maîtrise un dieu de la foudre, etc. Tu vois. Et surtout, Sakura, il aurait pu invoquer que des serpents et utiliser des serpents comme attaque, tu vois, et c'est tout. De la même manière que Naruto, il fait pas que des grenouilles, il va largement au-delà, mais... C'est ça. Et puis surtout, Sakura, elle a pas d'arc à proprement parler, en fait, le mangaka, il lui a donné genre deux moments badass en toute la série, clairement. Et en plus de ça, vraiment, un truc que je trouve hyper problématique, c'est ça, entre guillemets, et je mets plein de guillemets, relation avec Sasuke, hein. C'est hyper malsain. Sasuke, il essaie de la buter, il s'en bat les steaks d'elle, puis finalement, à la fin, elle est avec elle et elle fait un gosse. Ah, mais c'est hyper malsain. Cancer as fuck, mais on en reparlera peut-être dans la romance. Juste pour préciser, pour remettre les choses dans le contexte, on n'accuse pas les auteurs japonais, ils ont une industrie de merde et ils ont une société hyper sexiste. Qui fait que de toute façon ils n'ont pas. En fait, leur plus gros personnage féminin important dans leur vie, c'est les mères. Et les femmes qui gèrent le foyer. C'est pas ce qu'on veut en un shonen, on veut des femmes qui sauvent le monde et y combattent, quoi. Mais donc ils savent ce que c'est qu'une femme importante. Le problème, c'est qu'ils ont pas d'équivalent de présidente ou, ils commencent à avoir des ministres féminins, je crois. C'est très léger et ils ont toujours pas, l'image de la femme, guerrière qui peut aider, etc. Donc, mais c'est juste pour remettre dans le contexte. Ah oui, bien sûr, le contexte. Il y a des contre-exemples de toute façon. On peut citer. Bon, c'est pas des mangas papier, mais beaucoup de films du studio Ghibli, du coup, notamment. Oui. Ils en ont des personnages très bien. Typiquement, exactement. C'est pour ça que je veux pas accuser les auteurs. Il y en a qui l'ont très bien fait. Le problème, c'est que le Shonen Jump, en termes de ligne éditoriale, ne veuille pas mettre plus de personnages féminins. Peut-être, qu'on ne sait pas, et qu'il y en a qui sont proposés tous les jours et qui sont refusés, puisqu'il y a beaucoup d'auteurs de manga qui sont refusés, beaucoup qui sont aussi mis de côté, etc., ou qui attendent une nouvelle sortie de leur auteur pour être édité. Mais il n'empêche que sur les trois points principaux qui font les valeurs du Jump, c'est-à-dire de mémoire, amitié, victoire et... Je ne l'ai plus. C'était pas débat ? Non, débat, c'est la version de cinquième de couve. C'est effort. Voilà. Effort, amitié, victoire, des valeurs qui peuvent être mises à n'importe quel sexe ou même à des personnes sans sexe. Et le fait est que c'est toujours à des hommes, sans exception. Et ça pose un énorme problème pour revenir sur les femmes puissantes. Quand elles sont que puissantes, par exemple dans Kimetsu no Yaiba, qui est quand même le manga le plus vendu en 2019 au Japon, eh bien, on a une seule femme très importante, c'est donc la sœur du héros. Pour pas trop spoiler, elle intervient plusieurs fois dans plusieurs combats, mais c'est la bourrine qui fait Deus Ex Machina. Elle n'est pas un personnage fort, elle n'a pas de background spécialement, elle n'a pas d'arc développé sur elle. En tout cas, pour le début du manga, pour la préparation de l'animé. Donc peut-être que ça vient après, mais c'est limite trop tard déjà, quoi, pour moi en tout cas. En fait, son intérêt, c'est d'être la princesse à sauver. Ouais. C'est vraiment la femme qui doit être sauvée. Mais bon, quand il y a besoin dans le scénario, vu qu'elle peut être un peu pétée, et du coup, à ce moment-là, elle intervient. Sauf que, forcément, quand tu vois ça, au bout d'un moment, tu dis, donnez-lui quand même une personnalité, quoi. Même si, effectivement, au vu du scénar, vu qu'elle est plus tout à fait humaine, ok, tu peux comprendre que sa personnalité soit différente, mais bah pourquoi pas en faire un truc original et pas juste ah je parle pas. En plus c'est ça, c'est une femme et on lui a retiré l'usage de la parole. Ça fait quand même beaucoup. Donc ça rappelle un roman nul. Et mais du coup voilà, ça fait beaucoup de choses en fait qui après c'est... je suis d'accord par rapport à ce que tu disais, c'est sûr le Shonen Jump en fait existe dans une société. Donc, dans la société japonaise, qui elle-même est sexiste, et donc, du coup, la société a une influence sur le Shonen Jump, et le Shonen Jump a une influence sur la société. Ça n'empêche que l'idée, c'est pas de dire, c'est de ta faute. L'idée, c'est de regarder les résultats, et là, aujourd'hui, dans les résultats, bah, les personnages féminins, ils sont toujours traités avec le cul. Disons, aucun des deux ne pousse à l'évolution, que ce soit la société ou le Jump, en l'occurrence. C'est ça, et du coup, bah. Il y en a un qui peut faire des efforts pour aider l'autre. Et qui le fait pas, quoi. Et qui le fait pas. Alors qu'un gamin, donc, je rappelle que, de mémoire, c'est de 7 à 15 ans, la cible du Jump. Un gamin de 7 ans, on a rien à foutre, mec ou fille. Il n'a pas de notion de sexe. C'est ça. Donc, lui, on sortirait 10 héroïnes féminines d'un coup le mois prochain. Lui, il irait quand même. Ça ne changerait rien, quoi. Et d'ailleurs, ça a été fait. Hein. Dans ma liste des 30 mangas, il y a des mangas connus. Cardcaptor Sakura... bon, Jojo, c'est la suite de Jojo, donc forcément, le lecteur était déjà engagé. Mais il y a un personnage féminin très fort qui est l'héroïne pendant tout le tome, enfin, tous les tomes, il y en a 17, donc ça fait beaucoup quand même. Il y a beaucoup, beaucoup de mangas féminins, Cat Size, etc. Beaucoup de mangas féminins qui ont été publiés par le Jump, pas Cardcaptor Sakura, mais les autres, et qui ont marché, quoi. Qui ont été des grands succès, qui sont devenus cultes, etc. Donc, le lecteur masculin, enfant et ado, lit tes héroïnes féminines. Bien sûr. Il est beaucoup moins choqué par ça que, mine de rien, le jeune adulte qui, lui, aura un besoin de s'identifier à un personnage qui lui ressemble. Qui est le cas, par exemple, dans les romans. On ne voit pas le personnage et on s'identifie quand même. Tout à fait. Féminin, masculin, etc. Ça, c'est que, aussi, justement, c'est censé t'amener des choses qui sont... Enfin, quand tu lis, quel que soit le matériel, que ce soit manga ou autre, bah, tu lis, en fait, pour te divertir. Donc, forcément, en fait, pourquoi forcément créer des personnages qui te ressemblent pile poil? Pourquoi pas créer des persos qui, en fait, te donnent envie de ressembler un peu à eux ou qui te poussent à être meilleur? Mais en fait, moi, je pense aussi que par rapport au fait qu'il y ait aussi peu de personnages féminins en tant que personnage principal, en tant que héroïne, c'est qu'en fait, on a accepté inconsciemment ou consciemment l'idée que c'est ok pour une femme de s'identifier à un homme, par contre qu'un homme s'identifie à une femme, ça c'est moins ok, et que du coup ce serait je sais pas, une perte de virilité ou quelque chose comme ça, en fait. Parce que typiquement, alors là c'est pas du tout c'est pas un manga, hein, je transgresse un peu, mais par rapport à Doctor Who. Tellement. Doctor Who. Il y avait 12 saisons, 13 saisons, c'était un personnage masculin. Alors, même si on remonte plus loin, depuis la série, je crois, a commencé en 66, 68, un truc comme ça, il y a eu, jusque dans les années 90, plusieurs saisons, il y a eu à l'époque 7, 8 docteurs, qui étaient tous masculins, question d'époque, à la rigueur, on peut pas trop en vouloir, mais même depuis la reprise en 2005, effectivement, il y a eu, là on est sur la saison 12, donc il y a eu 10 saisons avec des protagonistes masculins. Après, ils ont essayé de varier, on a eu des personnages plus ou moins vieux, etc. Enfin, il y a eu déjà un effort d'adaptation, mais au moment où une actrice, Jodie Whittaker, est annoncée pour prendre la suite et devenir le 13e docteur, effectivement, il y a eu un tollé de réactions négatives, enfin, c'est navrant, en fait. Les gens sont intéressés, ne regardaient même pas vraiment la série pour ce qu'elle avait et ce que ce docteur apportait, mais juste, c'est une femme, donc voilà. Et... Donc c'est pas bien et... Alors qu'elle fait un très très bon travail. Voilà. C'est la saison dans laquelle elle apparaît, la saison 11, a des problèmes, effectivement, comme toutes les saisons de Doctor Who en soi, mais c'est pas le fait qu'elle soit une femme qui est problématique. Enfin, et la saison était très bien malgré tout. Et le docteur est très cool. Continuez à suivre ce personnage. Mais voilà, je transgressais juste ça parce que c'est l'exemple qui m'a le plus frappé ces derniers temps, c'est que en fait, pour avoir regardé tous les commentaires, enfin pas tout, mais j'en ai regardé énormément par rapport à ça, et en fait, t'avais plein de gens qui disaient, mais nos enfants garçons, ils vont perdre une personne à laquelle s'identifier. Pourquoi en fait c'est ça, mais pourquoi en fait un garçon pourrait pas s'identifier à une femme, pourquoi c'est une mauvaise chose? Donc peut-être que ça peut être aussi un élément d'explication. Après, pour défendre un peu le truc, le Jump, je pense qu'on lui propose pas de série avec des héroïnes, vraiment. Je pense qu'il y a très peu d'autrices et que les auteurs en fait décrivent ce qu'ils connaissent et ceux dont ils se sont inspirés. On est un peu sorti là de la grosse génération qui a été inspirée par Toriyama. On en est enfin, je pense, en train d'en sortir. Le Jump a actuellement beaucoup de mal à trouver des séries qui marchent. Ils sont en perte constante de séries, ils en sortent beaucoup. Et je pense que les auteurs qui arrivent là, c'est à eux, c'est au Jump et à l'édito de choisir des trucs qui vont changer. Mm-hmm. Mais parce que là, justement, ils ont essayé pendant pas mal de temps de prendre des trucs, soit au concept un peu farfelu, genre des trucs sur des voleurs, des trucs sur, voilà, des, un peu moins de combat, un peu moins de l'esprit shonen, et plus sur des trucs un peu différents, mais qui du coup marchent pas. Et je pense qu'ils ont toujours pas ouvert la porte à, au récit sur des femmes, au récit un peu plus, en fait, un peu moins de Jump dans l'esprit combattre pour sauver le monde, et plus dans l'esprit Death Note, Cat's Eyes, etc. C'est... J'allais citer Death Note parce que, malgré tout, il y a eu des tentatives de choses un peu différentes du shonen à la Neketsu en soi qui ont fonctionné. Elles sont sans doute pas légion, même si faudrait qu'on ait sous les yeux une grosse liste de tout ce qui a pu fonctionner, et voilà, c'était pas le but. Mais Death Note, effectivement, change complètement des codes habituels de, du Jump, et pourtant, ça a été un succès terrible. Enfin, la preuve, nouveau chapitre qui arrive bientôt, d'ailleurs. Par exemple, on pourrait citer le manga de sport. Tous les mangas de sport, enfin pas tous, il y en a beaucoup qui échouent, mais il y a toujours un manga de sport dans le Jump de mémoire. Et là, il y en a eu deux qui ont fini, qui vont finir. Comment il s'appelle ? J'ai plus le nom exact. Le manga sur le sumo, Food Wars a fini cette année. C'est un peu un manga de sport sur la cuisine, mais c'est le même esprit. Et IQ finira, je crois, l'année prochaine ou bientôt. Oui, Inumaru no Sumo. Du coup, en fait, des mangas de sport, on pourrait très bien en faire avec des personnages féminins. Genre, il y en a eu. Ça, bah après, je sais pas si on est chez le Jump, mais il y en a eu. Happy et... de Naoki Urasawa, par exemple, c'est sur du tennis, du badminton, du tennis, je dirais tennis, je suis plus sûr. Ça date déjà, ça doit être les années 90 ou un truc du style. Et je crois que le personnage principal est une femme. En tout cas, ouais. Il y a une femme dans le personnage principal. Non, mais de toute façon, si tu prends. Alors, le sumo, ça marche pas parce qu'il n'y a pas de sumo féminin, je crois, en tout cas, à ma connaissance. Mais... Il me semble que maintenant il y a. Peut-être, mais il n'est pas connu. C'est pas le sport national. C'est pas... Non, c'est exact. Par contre, le baseball et le sport national, il doit y avoir une ligue féminine. Le football, il y a une ligue féminine. Bah, maintenant, il y a My Ime, mais c'est pas dans Shonen Jump, mais il y a My Ime, même si c'est un peu ecchi. Même Yuri, presque. Mais voilà, tu pouvais faire l'équivalent de Jeanne et Serge ou IQ. Il y a peut-être pas un manga sur le volet féminin, ça va dire. Mais Jeanne et Serge, après je pense pas si c'était un shonen, je pense que c'était Serge, un shoujo. Je sais pas surtout si c'est un manga, je sais pas du tout. Là je vais peut-être dire de la merde. C'est peut-être qu'un anime. Ouais. Mais en tout cas, Jeanne et Serge a prouvé. Ouais, mais est-ce que c'est plus des... qu'en France? Je ne sais pas quel est le succès au Japon. Oui, c'est sûr. Mais en gros, ça a prouvé que tu pouvais créer quand même des personnages féminins qui se battent au volet, et moi de mon souvenir. Exactement. Parce que ça m'avait beaucoup marqué Jeanne et Serge quand j'avais regardé. Ça reprenait vraiment les codes de, « Oh, mais on va perdre !»« Mais non, carte maîtresse, hop !» et tout, tu vois, ça prenait un peu les codes, quoi. C'est un chouette. Le talent japonais de te rendre épique, même, tout et n'importe quoi. Mais non, mais il y en a plein. Et je dis pas qu'il y en a pas, je reprends. Il y a des mangas sur le sport féminin, il y a des mangas sur le sport tout court avec des femmes en héroïne. Juste, il y en a pas dans le Jump actuellement, et il y en a pas eu depuis un moment dans le Jump, et ce n'est pas ce qui a fait le succès du Jump ces dernières années. Voilà, il y a, je suis obligé de mettre l'exception parce que c'est l'énorme succès de cette année et de l'année dernière, c'est The Promised Neverland qui a une petite fille en héroïne. Elle est pas toute seule, elle est équipée de deux mecs, je crois, et j'ai pas encore lu donc je vais pas m'avancer, mais c'est un énorme succès. Et c'est une petite fille, c'est Emma, l'héroïne. Donc voilà, il y en a, mais il y en a pas assez du tout. Je reviens sur le terme équipée. Elle est équipée de deux mecs. Elle a deux mecs comme ça, toujours. Elle les porte un sous la main gauche et un sous la main droite, et hop, on y va, tu vois. Pour avancer dans le thème, si on a fini sur les femmes. Du coup, non. Enfin, on peut développer sur autre chose en soi, mais à partir de ça, tu parlais du coup du fait que c'est un personnage féminin qui est accompagné, et comme on en a parlé tout à l'heure, ça m'y fait penser, le manga Pokémon. Je sais pas qui l'édite au Japon, j'avoue, grosse question. En France, c'est Kurokawa. Enfin, Glénat avait tenté dans les années 90-2000, je pense. Ça avait pas marché, ils avaient annulé. Kurokawa a fait une grosse reprise, un très bon travail d'édition là-dessus depuis la sortie de Ruby Omega Sapphire Alpha, donc je dirais 2013-2014. Et dedans, en fait, on a donc très régulièrement des personnages féminins, ce qui est logique puisque quasiment toutes les versions, toutes les générations fonctionnent par deux, au moins deux personnages. Et donc dans le lot de deux, on a depuis le début toujours eu un personnage féminin. Alors, enfin, le premier faux exemple, puisqu'ils sont trois, c'est rouge, bleu et verte, du coup, qui est une femme. Et jaune. Et jaune, qui apparaît un peu plus tard et qui là, enfin, autant verte fait partie d'un trio, et c'est surtout rouge en fait qui est le personnage principal, les autres sont plus ou moins anecdotiques à ce moment-là, même s'ils font avancer l'intrigue, verte également, pas que bleu. Mais effectivement, jaune a, enfin, un arc dédié, enfin, c'est même, non, chez eux, c'est vraiment des arcs, mais en France, c'est des éditions à part à chaque fois, mais bref. C'est vraiment un personnage qui évolue beaucoup. Bon, après, même, génération d'après, on a Crystal, génération ensuite, et là c'est peut-être la plus facile pour s'en rendre compte, on a Ruby et Saphir, les deux avancent en parallèle. Ce qui peut être intéressant d'ailleurs, c'est que ça inverse un peu les codes, puisque Ruby c'est donc le personnage masculin, Saphir c'est le personnage féminin, et Ruby son but à lui n'est pas du tout d'être le plus grand dresseur et d'avoir le d'aller combattre la ligue, etc. Lui ce qu'il veut faire c'est des concours de beauté Pokémon en fait, et c'est Saphir, le personnage féminin donc, qui veut essayer d'être la meilleure, etc. Elle est un peu caricatural comme personnage, genre femme sauvage qui vit dans les bois au début notamment. Après, enfin, de toute façon, ce manga est très... caricature, c'est un côté négatif, c'est pas vraiment ce que je veux dire, mais il est... C'est quoi le mot pour dire stéréotype, mais c'est genre positif en soi, c'est archétype. Mm. C'est des personnages très archétypaux, en fait. Donc du coup, avec tous les défauts qui vont avec. De toute façon, c'est un manga qui est plein de facilités scénaristiques, etc. Mais ça se lit bien, et les personnages féminins sont présents et importants. Enfin, vraiment, là, c'est un bon exemple, mais même, il y a... Du coup, on pourrait peut-être déborder sur autre chose que les personnages féminins via ça. C'est que par exemple, XY, donc 6ème génération de manga, on a le personnage de Y, c'est la fille, X, le garçon, et X est un personnage dépressif en fait. Et c'est pas si courant que ça non plus, je trouve, dans les shonen notamment, d'avoir des personnages masculins qui sont pas genre. Avoir de la puissance, c'est pas forcément son objectif, il a une masculinité particulière en soi, et je trouve ça plutôt intéressant. C'est encore une fois très légèrement esquissé, hein, ils vont pas trop loin dans la psychologie, c'est pas Death Note, et Death Note va pas très loin non plus en soi d'ailleurs, mais voilà, je veux dire, ça a le mérite d'adresser à, ça s'adresse à des enfants majoritairement, et du coup ils montrent spontanément des personnages masculins ou féminins qui sont assez différents de ce qu'on peut voir, puisque la thématique principale n'était pas faut-il des personnages féminins dans les shonen, mais juste qu'est-ce qui peut manquer en soi, ou qu'est-ce qu'on aimerait voir dans les shonen. Donc moi, je voulais embrayer là-dessus. Des personnages masculins assez différents, juste. Qui abordent aussi les problèmes de la masculinité toxique, notamment, ce genre de choses. Justement, par rapport à ça, deux points. Un pour terminer par rapport au personnage féminin, et l'autre pour rebondir sur, justement, tout ce qui est masculinité. Par rapport à ce que tu disais, vraiment, sur Food Wars, justement, et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui manque... pas mal, c'est en fait les amitiés et les relations entre femmes, et quand j'ai relations, c'est juste relations, je parle de relations amicales là, je parle pas de Yuri à proprement parler. Par exemple dans Food Wars, sans spoiler la dernière saison sortie, en fait il y a un moment où on voit en fait deux personnages féminins, l'une qui a une importance quand même assez importante dans la série, voilà, et l'autre qui a une relative importance mais qui est quand même présente, et on voit les deux personnages féminins en fait se parler, se réconforter l'une avec l'autre, et en fait à ce moment-là il y a genre aucun moment elle ne parle de garçon, à aucun moment en fait elle parle en fait de personne à personne. Mm-hmm. Et ça justement c'est aussi quelque chose qui manque, c'est que par exemple ce que tu disais pour The Promise Neverland, c'est que bah en fait c'est comme si c'était à chaque fois soit t'as une femme qui se démarque et après elle est entourée que d'hommes, il y a pas ces relations amicales femmes qui vont prédominer dans un trio, ça sera souvent deux mecs et une meuf quoi. Donc du coup il y a ça par exemple aussi, et ensuite pour embrayer sur ce que tu disais par rapport aux différents types de personnalités masculine. Moi, le manga Kuroko no Basket, ça me fait beaucoup penser à ça. C'est un manga que j'ai adoré, moi, justement. Et en fait, typiquement, Kuroko, qui est le personnage principal, bah en fait, il ressemble pas du tout... Enfin, comment dire, sa personnalité... Et pourtant, Kuroko no Basket, c'est vraiment c'est un shonen. C'est vraiment considéré comme un shonen, je sais pas. Il est sorti dans le Shonen Jump, donc... Non, il est pas sorti dans le Shonen Jump. Mais ses codes ressemblent vraiment... à un shonen. Excuse-moi, si, c'est le shonen. Ouais. C'est le shonen jump, ouais. Et en fait, pourtant, Kuroko, il a une personnalité qui est assez en retrait. Justement, son personnage et l'utilité de son personnage dans les matchs de basket, c'est d'être en retrait, c'est d'être une ombre, c'est d'être passif d'une certaine manière. Et pourtant, ça n'empêche pas que c'est un mec. Et après, justement, dans tout le reste des personnages masculins, parce que du coup, c'est des équipes masculines qui affrontent d'autres équipes masculines, on trouve en fait différents types de personnages masculins. Après, il y a un peu ces archétypes aussi qu'on retrouve. Mais typiquement, il y a Aomine. Le toxique. Comment ? Le toxique. Voilà, Aomine, c'est vraiment un peu la masculinité toxique. Parce que c'est le mec qui veut tout le temps gagner, tout ça, et qui se relève. C'est le mal alpha. C'est le mal alpha, voilà, c'est exactement ça. Il y a vraiment ce côté mal alpha. Et en fait, à un moment donné, à la toute fin. Je spoil un truc qu'il fait, mais je ne spoil pas la fin. Alors, il me semble que c'est un peu plus centré dans l'anime que dans le manga, mais le manga le suggère beaucoup, ou en tout cas le montre quand même. C'est que en fait, à un moment donné, Omni se rend compte d'un truc et il pleure. Et il me semble dans le manga, il verse genre de larmes, et dans l'anime, il pleure vraiment, tu vois. Et en fait, bah du coup, je trouve ça bien parce que bah justement, voir des personnages masculins qui pleurent, c'est bien parce que on est dans une société, que ce soit japonaise ou même dans le monde, on considère que les hommes doivent être forts et que du coup, un homme, ça doit pas pleurer. Bien sûr, men don't cry, c'est bien connu. C'est ça, exactement. Et là, bah, t'as Aomine qui est quand même le mal alpha, qui a un peu les caractéristiques d'un mal alpha, bah, qui pleure et qui en fait, d'une certaine manière, reconnaît sa défaite. Et voilà, du coup, il y a une ribambelle de personnages masculins dans Kuroko no Basket qui ont quand même des traits de personnalité différents qui sont pas mal en termes quand même de diversité masculine. Ce qui du coup me fait penser, en parlant de l'arme des hommes, à un très bon manga qui est Senseiya, les chevaliers zodiaques de Masami Kurumada. Alors, pour info, j'adore ce manga. Il a beaucoup de problèmes, hein. Genre scénaristiquement, c'est très ancré dans son époque. Il y a plein de choses. Enfin, les dérivés sont meilleurs. Senseiya G, merci. Je suis d'accord. Mais voilà. Mais malgré tout, en fait, il a des personnages qui peut-être aujourd'hui frôlent le cliché parce que beaucoup de choses ont été écrites depuis. La série quand même date de débute en 86, je crois. Ça a dû faire 86-92 en termes de publication, quelque chose comme ça. Mais on se retrouve donc avec 5 personnages principaux qui sont assez différents les uns des autres. Bon, Seiya, le personnage principal, c'est du bon... Enfin, un personnage de Neketsu classique, en fait, qui se relève systématiquement, qui n'abandonne jamais, etc. Mais on a des personnages plus originaux. Bon, déjà, il y a... Yoga. C'est un peu le Sasuke de la team, en soi. C'est le personnage un peu sombre, etc. Mais il est relativement nuancé. Il vit toujours avec le souvenir de sa mère qui est dans un bateau, pris dans les glaces éternelles de la Russie, je crois. Et voilà. Ça frôle un peu ridicule par moment, mais c'est question d'époque. Et surtout, on a Sean, en fait, qui est un personnage qui est vraiment intéressant, puisqu'il est très doux, très pacifiste, comme personnage. Il veut globalement pas utiliser sa force, etc. Enfin, l'anime le montre bien avec une scène de son entraînement où genre, on voit qu'il a toujours subi pendant qu'il s'entraînait, et d'un coup, il sort une technique incroyable qu'il ne réutilisera absolument jamais. C'est un peu triste, mais... Personnage qui était féminin sur les premières planches. Montré au Tanto avant qu'il soit édité. D'accord, ça je sais pas. Mais en tout cas, le fait qu'il soit le plus féminin des personnages masculins est intéressant, en fait. Il est très doux par rapport aux autres. En fait, ils disent clairement dans le manga, c'est l'être le plus pur sur Terre. L'être vivant le plus pur, c'est pour ça que Hades le choisit comme réceptacle. C'est pas juste. Il y a peut-être prescription pour un truc sorti il y a 30 ans. Non, mais pour reprendre un peu ce que vous avez dit, en fait, notre grand sujet, c'est la représentativité, ça se dit? Oui. Donc voilà, les femmes, c'était le premier sujet. Là, c'est les hommes sensibles. En règle générale, c'est les gens qui ne sont pas ni des femmes, ni la brute Neketsu Naruto. Ce qui ouvre quand même beaucoup. Naruto pleure quand même, d'ailleurs. Naruto pleure, beaucoup de héros shonen pleurent. Mais c'est une bonne image en soi, même si c'est pas... Ouais, le problème, c'est qu'il pleure parce qu'il y a X événements. Il pleure pas parce qu'il pleure souvent, tu vois, par exemple. Oui, c'est pas... Moi, je vais au cinéma. Oui, ça parle de père, un livre, et je pleure souvent, tu vois. Et voilà, les héros ne pleurent pas souvent. Tu disais les dépressifs. Les dépressifs, c'est effectivement un truc. C'est soit le manga est sur un dépressif, et on n'est pas sur un shonen, clairement. Pas sur le Neketsu. C'est super. Je vois pas de Neketsu où il y a un dépressif. En tout cas, pas en personnage principal. Disons, ça peut être une phase, mais c'est rarement... caractère tout le temps, quoi. Tu parlais de personnages un peu, du coup, pour reprendre vos deux idées, un personnage un peu faible qui est renfermé sur lui-même. Il y a le personnage dans Samurai 8. Qui est un peu, vraiment de l'autisme, quoique légèrement, c'est des traits autistiques, on va dire, mais. Ouais, il est à part. C'est un personnage qui apparaît très vite. Hein. Il est au chapitre, deuxième tome. Début d'un tome, je crois. Chapitre 2, je crois. Tu parles ou de 2 ou 3. Je parle pas du héros, je parle du... Oui, qui est un peu transgenre. Ouais. Enfin, un peu bizarre. C'est flou. J'ai pas lu assez pour voir... J'ai pas eu envie de... En gros, c'est le personnage le plus intéressant de tout Samurai 8. Samurai 8, pour ceux qui ne savent pas, c'est le nouveau manga de Kishimoto, l'auteur de Naruto, qui vient de sortir en France avec 2 tomes, en cours de parution. Très très beau graphiquement, vraiment. Qui est très très beau, si on apprécie, mais qui ne marche pas du tout au Japon actuellement. Il vient d'être bougé, ou il va être bougé, je sais plus exactement. Ou alors c'est Boruto qui vient de bouger, je sais plus. Mais en gros, les deux mangas de Kishimoto sont en train de péricliter. Et Samurai 8, ouais, ne marche pas très bien. Il a des résultats peu convaincants pour... par exemple... Par rapport à Naruto. Par rapport à Naruto, bien sûr, évidemment. Il est toujours 8, 9e, 10e dans le classement hebdomadaire. Mm-hmm. Non, mensuel pour lui. Et Et c'est assez grave pour un truc en plus qui est ambitieux, c'est de la SF, etc. Et bref, dedans, il y a un personnage qui effectivement est renfermé sur lui-même, qui est non-genré, et qui a en plus un grand avenir, je crois qu'il veut traverser le monde, il veut voyager le monde, ou un truc comme ça, je crois. Bah, il veut pas faire grand-chose avant de rencontrer le héros. Oui, bien sûr, mais en fait, dès qu'il a... Ça se fait très vite en... Ça se fait en 2-3 chapitres maxi, ouais, et le personnage est ultra intéressant, et le problème, c'est que l'auteur te fait « Et il part à l'aventure, et on le reverra un jour. » Alors que j'avoue que j'étais persuadé qu'il resterait comme personnage. Il était tellement bien développé, en fait, en peu de temps, que je pensais qu'il resterait. Totalement, et il est non-genré, c'est officiel, hein. D'ailleurs, je crois que le héros le met genre direct, je crois qu'il dit que c'est une fille, etc., et le héros. D'ailleurs, le héros ne le repousse pas. C'est mine de rien, c'est un détail. Ah non, mais il y a une relation moitié gay qui s'installe directement. Mais j'avais un souvenir de Ergir, qui est pas du tout un shonen, hein, mais que j'ai lu. Bah si, quand même, c'est un manga sportif. Ouais, c'est un seinen, non? Ah non, c'est un shonen, je pense. Ah ouais? Malgré tout le côté sexuel qui est vraiment très très appuyé. Ouais, bah c'est juste l'héroïne qui drague tout le temps. Ouais, mais même genre les poses ultra sexuées systématiquement, enfin elle mange sa glace, c'est clairement un pénis, hein, je veux dire, voilà. Oui, c'est même pas de l'imagerie. Mais je pense que c'est un shonen négatif, quand même. Ok. Mais du coup, où il y a un personnage qui est androgyne, en fait, je sais plus son nom, puisque ça remonte à très longtemps cette lecture pour moi. Tu sais, celui qui a deux personnalités? Oui. T'as pas son nom? je l'ai presque, mais Ayato ou Ayu, il y a un O dedans, je sais plus. Et Ergir d'ailleurs, c'est donc un manga sportif effectivement sur l'auteur s'appelle O'Great. Ça se prononce pas comme ça, je suppose, du coup, mais. Bah si, ça s'écrit O'Great, mais c'est Ogoluto. D'accord. Et donc oui, il y a un personnage qui est donc qui est un peu particulier en fait, qui est androgyne du coup, et je crois que l'une de ses personnalités est amoureuse du héros, au moins au début, ou un truc comme ça, ou en tout cas il fait un peu miné à côté de lui, c'est vraiment un gamin. Ouais, ça c'est le cliché. Ouais, mais du coup les personnages se moquent de lui en fait, genre en le traitant d'androgyne, et c'est question d'époque peut-être aussi, hein, mais genre je suis content de voir que dans un manga comme Samurai 8 qui sort actuellement, et l'auteur a une influence, je veux dire, enfin Kishimoto c'est pas n'importe qui, je veux dire, il a quand même fait un des mangas les plus vendus de l'histoire de l'humanité, je pense. Donc voilà, je suis content qu'un auteur qui puisse être influent comme ça, en fait, introduise ce genre de thématique, même si peut-être on verra jamais ce personnage, je sais pas. Mais bon. D'ailleurs, même le personnage principal, j'ai cru que tu parlais de lui au début, en fait, est vaguement autiste aussi, enfin, au début, parce qu'il est enfermé sur lui-même. Trois chapitres, il devient un Naruto. Il a un power-up direct, c'est un peu rapide, mais. Ça devient Naruto, voilà. Plus ça devient un abruti, etc., qu'il est a priori sur tout le monde, etc., alors qu'à la base, il est resté devant un écran pendant toute sa vie, donc Après, ce qui peut être intéressant, je suppose, c'est la relation avec la femme qui lui est quasiment imposée, en fait. C'est super mal géré. Qui est encore une fois une espèce de Minata, d'ailleurs, mais c'est juste une... En fait, en gros, le problème de... Mais on va peut-être attaquer les romances après, donc je vais peut-être revenir dessus. Mais le problème, c'est qu'on lui a dit qu'il se mariait avec. C'est ça le gros souci du truc, c'est que du coup, ça pousse... mais là, pour le coup, c'est peut-être réaliste. Ça pousse le gamin à s'imaginer des trucs et à la voir comme une princesse. Parce qu'on leur a dit tous les deux qu'ils se marieraient. Bah c'est une princesse, il l'appelle comme ça. Oui, c'est une princesse, mais elle pourrait être une princesse guerrière ou autre. Là, il la considère vraiment comme une princesse à protéger et à sauver. Quoi. Après, à voir ce que ça donne sur du long terme. Mais effectivement, en commençant, on a dû lire l'équivalent de 8 chapitres, je crois, donc un tome et quelques peut-être, je sais pas trop, mais il y avait un potentiel, mais peu convaincant. Voilà, c'est ça. Peut-être quand on aura des retours sur une 5-6 tomes, peut-être qu'il y aura quelque chose d'intéressant à en tirer. Même. Juste, du coup, je vais rebondir sur Mehani, et du coup, on parlera d'un autre thème qui suit. Effectivement, Kuroko n'est pas traité du tout, au final, comme comme un homme faible ou efféminé. Pas du tout, je crois. Peut-être en comparaison à Omine, mais je crois en fait, non, il n'est pas considéré comme efféminé ou comme une femme, mais effectivement, en fait, c'est le plus petit, en fait, de la bande. Parfois, dans mes souvenirs, parfois, c'est un petit peu dit t'es un peu petit ou quelque chose comme ça, mais c'est vraiment pas du tout présent, en fait. Kuroko n'est pas du tout, à aucun moment, en fait, considéré comme un non-homme, en fait. Ouais. C'est vraiment... C'est pour ça que Kuroko, moi, c'est un manga que j'ai beaucoup apprécié, c'est que, vraiment, Kuroko, c'est un personnage masculin, c'est le personnage principal, mais il a pas la personnalité... il a pas la personnalité classique d'un personnage principal de shonen. Non, il est jamais shamé de mémoire, en tout cas au début. Après c'est contrebalancé aussi le fait que parce que il est le meilleur en fait, il est je crois qu'il est shamé, mais c'est plus c'est pas un vrai shame entre guillemets, je sais pas comment le dire, mais il est shamé en mode bah c'est quand même un peu un gringalé qui a pas trop de farce, quoi. Par contre après, dès qu'il est sur le terrain et qu'il commence à faire ses passes invisibles, tout le monde en fait est là, ah ouais, en fait il est fort, quoi. Celui qui a un a priori dessus, c'est son pote le rouge. Kagami, ouais. Et Kagami, à la base, il fait, mais en fait, je pense qu'au début, Kagami ne comprend même pas comment ça se fait que Kuroko est sur l'autre terrain. Et en fait, dès que Kuroko a commencé à montrer, en fait, ses techniques spéciales à lui, Kagami, il est en mode, ah, ok, il est pas dégueu, en fait. Du coup, effectivement, on peut utiliser Kuroko comme base pour changer de sujet. Tu parlais des relations entre personnages, y compris jusqu'à l'amour. Et il y a des relations entre mecs dans dans Kuroko Basket, Kuroko no Basket, qu'on retrouve dans peu de shonen, qui sont les relations amicales, à tendance très très forte amitié, mais avec plus d'un personnage. C'est ça, parce qu'en fait, justement... Enfin, l'histoire peut-être de base, en gros, il y avait une équipe... l'histoire de Kuroko no Basket de base, c'est il y a un nouveau qui arrive dans un lycée, l'équipe de basket est moyenne, et en fait, lui, il vient d'un collège où l'équipe des joueurs est la meilleure de l'histoire des collégiens. En fait, c'est ça, c'est la génération miracle, c'est la génération des miracles, et en fait, ils étaient... Enfin, la génération des miracles, ils disent qu'ils sont 5, mais qu'il y avait un sixième joueur fantôme et que ce serait une légende. Et en fait, le sixième joueur fantôme, c'est Kuroko, et du coup, c'est pas une légende. Et en fait, il arrive dans ce lycée, où il y a Kagami, justement, qui arrive dans ce lycée aussi. Et en fait, le truc, c'est que tous les personnages de la génération des miracles sont partis dans un lycée différent, justement, pour que, bah, à un moment donné, ils puissent s'affronter. Et vu qu'ils étaient tellement forts, bah, en fait, ils ont roulé sur tous les collèges quand ils étaient au collège. Et du coup, maintenant, ils veulent un peu de challenge. Et ils se sont dit, si on est tous dans un lycée différent, bah, du coup, on aura du challenge parce qu'on va s'affronter, voilà. Et le truc, c'est que Kuroko, en fait, c'est un peu le ciment, d'une certaine manière, du groupe des six. Parce que, en fait, le groupe des six, il s'est complètement éclaté. Et en fait, Kuroko, c'est exactement ce que tu disais, Lucas, tout à l'heure, que tu vas battre un personnage et après le personnage il va redevenir un poteau, tu vois. Classique. C'est exactement ça. En gros, Kuroko il va rencontrer Kagami. Kagami ça va devenir en fait sa lumière, puisque Kuroko c'est l'ombre, donc il lui faut une lumière. Kagami ça va être sa lumière. Et en fait, ils vont, voilà, match après match, essayer de battre chacun des anciens poteaux du Kuroko. Et en fait, bah, dès qu'ils vont réussir à battre un, même s'ils vont faire un mode. Oui, bon, on est toujours un peu méchant quand même, on est toujours un peu grognon. Bah, en fait, Kuroko, c'est leur soft spot. Je sais pas comment le dire, mais du coup, bah voilà, Kuroko, il est ami avec plein de gens et en fait, c'est des relations toutes différentes. Donc, ça, c'est vrai qu'on l'en voit rarement en fait. Mais c'est pour ça que moi, Kuroko, j'ai adoré parce que la relation qu'il a avec Kagami, c'est. Comment dire, tu sens qu'ils sont amis, mais il n'y a pas besoin de le dire. Dans les shonen Neketsu, il y a souvent des amis, des amitiés fortes entre garçons, mais jamais plus. Genre des romances entre garçons dans un Neketsu. Et qui ne sont pas dues à une fanfiction. Oui, voilà, bien sûr, et qui ne sont pas des fanarts ou des fanfictions. J'en ai pas en tête, j'en ai aucune. Ça doit exister, j'imagine, mais j'avoue que je ne vois pas non plus là. Sûrement, il devait toujours avoir des exceptions, mais j'en ai pas du tout. Alors qu'il y en a, elles sont totalement cut, mais c'est au cœur du truc. Naruto Sasuke, c'est une bromance, et largement plus qu'une bromance. Il va jusqu'au bout du monde le sauver, il combat le monde entier. Par contre, du coup, ce serait peut-être plus Naruto que Sasuke, parce que Sasuke, il en a rien à battre. Hein. Oui, enfin, après, son but à Sasuke, à partir de la moitié du manga, c'est de tuer Naruto. Hein. Ouais, bah, du coup, c'est pas de l'amour, hein. Si. Ah, bah, tu non, sais. Non, c'est machin. Dans Pokémon, tu sais, la haine et l'amour. Mais tu vois, par exemple, typiquement, par rapport à Kuroko, effectivement, t'as des les liens entre Kuroko, Kagami et Aomine, vu que à la base en fait Aomine c'était la lumière de Kuroko, donc c'était le duo. Quand après Aomine il a commencé à faire je suis le meilleur, ça me saoule, ça m'énerve, bah du coup bah après c'est Kagami qui est devenu la lumière de Kuroko. Typiquement en fait ça aurait pu faire un triangle à trois, quoi. Ça pouvait se faire. Non, oui, attends, calme-toi. Déjà, je parlais de romance normale. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, mais oui, on serait pas dans un manga de sport. On serait pas dans un Neketsu du Shonen Jump. Clairement, c'était un triangle à 3 à 100%. C'est ça, tu vois. Un triangle à 3. Un triangle tout court. Oui, c'est vrai. Je me suis retenu de te faire remarquer, mais. Après, tu vois, les gens, ils vont dire, c'est vrai qu'il faut trouver l'équilibre entre eux. Bah, dès qu'il y a deux mecs qui sont proches ensemble, ça veut pas forcément dire qu'ils sont gays. Ce qui est vrai. Bah, quand tu dis, t'es ma lumière. 100%, c'est une métaphore. Kuroko, il lui a quand même dit, effectivement, tu es ma lumière et moi je serai ton ombre, tu vois. Non, il a dit, je serai ton ombre à Kagami, et Kagami, il a fait, je me souviens dans l'anime, c'était ouf. D'un coup, t'as Kagami, toute la silhouette de Kagami est entourée de lumière, donc tu vois plus le visage de Kagami, c'est juste de la lumière, et il a fait, je serai ta lumière. Eh, il y a quand même un sous-texte là. Oui. Ah, c'est même pas un sous-texte, c'est une homo-érotisation qui est très très forte. Enfin, je l'ai pas vu, mais je. Ce qui n'était pas le cas, tu vois, par exemple, dans Olivier Tom, tu vois. Genre pas le cas, mais là dans Kuroko c'est abusé, c'est pas une question de traits, parce qu'on pourrait me dire que les traits dans Kuroko no Basket sont très fins, etc., qu'il y a des personnages beaucoup moins c'est moins baraqué, voilà. Ah, non, Kagami il est baraque de ouf, hein. Ouais, mais alors Kuroko pour compenser oui, mais bon, ce que je veux dire, c'est Kuroko, ils sont quand même très Ouais, mais non, qui sait, il est longiline, et Kagami il est baraque, Aomine il est baraque, et Murasaki Bara il est baraque, hein. Ouais, enfin, de manière générale, c'est plus le trait, le style de dessin qui veut, oui, des personnages. Il ressemble pas à Ken, tu vois. Ouais, bah, tout le monde ne ressemble pas à Ken, merci. Non, mais voilà, c'est quand même assez féminin. Mais surtout, c'est parce que tout tourne autour de leur relation, en fait. Le sport, on en a rien à foutre. Tout tourne autour de leur relation, et parce que le sport, c'est pour faire simple, c'est des pouvoirs. Hein. Oui, ils ont tous des pouvoirs, et c'est tout. Il y en a un, il tire 100% de ses tirs en cloche depuis l'autre bout du terrain, sont des trois points. Et puis ils ont eu beaucoup le pouvoir, mais ça je pense que c'est pour Tony Shonen, ils ont le pouvoir de la télépathie. Genre par exemple, mais comment a-t-il fait ça? Est-ce que c'est parce qu'il pensait que j'allais être à cet endroit à ce moment-là? Mais il le pense, tu vois, et t'as Kuroko qui se retourne vers lui. Non, mais c'est parce qu'en fait j'avais anticipé ça, mais tu n'es pas censé pouvoir l'entendre. Après, ils inventent carrément la zone. Oui, ah oui, ouais. Il y a plus de tout. Non, mais c'est marrant, mais du coup ça donne du charme au manga aussi. Oui, mais en fait, enfin là je dis vraiment, il y a raté quoi. Il y a un raté de, il y avait une romance. C'était, Kagami Kuroko est une romance, et Aomine Kuroko est une romance. C'est ça. Ça s'est prêté bien. Elle est silencieuse, mais il y a des limites, tu vois, la bromance, il y a des limites. Parce que typiquement, en fait, je me dis, si ça avait pas été un shonen, tu vois, et pas par exemple, typiquement, Kuroko et Aomine, ils auraient pas réussi à former un couple. Parce que Aomine avait une homophobie refoulée, et donc du coup il pouvait pas accepter qu'il était gay, donc du coup il a rejeté Kuroko, ce qui s'est passé dans le manga, hein. Dans le manga, il a rejeté Kuroko, tu vois. Donc tu peux typiquement avoir l'idée de homophobie refoulée, et puis après, bah Kuroko, il rencontre Kagami, il a pas cette homophobie refoulée, hop, ils se mettent ensemble, et Aomine fait « Ah merde, j'ai raté mon coup », tu vois. Donc c'était vraiment faisable et possible à ce moment-là, tu vois, mais c'est juste, bah forcément c'est un shonen, donc on va pas mettre... Ouais, du gay dans du shonen, ça marche pas. Sinon, c'est du yaoi. Donc ouais, c'est vrai que les relations gays n'existent pas dans les shonen. Mm-hmm. Ou presque. En tout cas, pas dans les. Dans les gros shonen connus, mais genre, même dans les demi-shonen connus, il y en a peu, quoi. Et féminine ou masculine, hein, ça, enfin, ouais, le truc, c'est juste qu'on trouve que c'est des occasions ratées pour les hommes, parce qu'il y a beaucoup de bromance, par contre. Mais même, voilà, chez les amitiés, le problème, c'est que les personnages féminins, c'est tellement pas développé que, de toute façon, c'est ça, déjà, alors, elles ont déjà pas assez de place, comment tu veux mettre une relation, quoi. Voilà. Mais du coup, je pense pas qu'on puisse se développer beaucoup sur les homosexualités, il y en a pas. Par contre, du coup, sur les romances, en règle générale, il y a un gros manque. Aussi, ouais. Après, même en fait, au-delà de romance, c'était vraiment purement la représentation de, comment dire, des amitiés, en fait, les différents types d'amitiés. C'est assez facile, en fait, dans les shonen où t'as beaucoup de personnages, vraiment, de développer des amitiés différentes, mais j'ai envie de citer Reborn, du coup, de Amano Akira. Donc, le personnage principal, en gros, il doit devenir le nouveau chef des plus grandes familles de la mafia italienne. C'est une mafia extrêmement fantasque, hein, c'est pas réaliste du tout, c'est plus du comique au début en tout cas. Genre les 7 premiers tomes, je crois, c'est des scénettes comiques à chaque fois qui finissent par virer sur une vraie histoire, et puis ça vire au Neketsu en soi, enfin c'est du shonen de combat, on va dire. Et le personnage, du coup, a une parrain de mafia bien malgré lui, a une équipe de 7 personnes réunies autour de lui, donc une femme et 6 hommes. Ils sont 7 avec lui, donc en fait c'est une femme et 5 hommes plus lui d'ailleurs. Et donc comme c'est un peu basé sur le quiproquo, le début de l'univers, il y a des relations très diversifiées. Genre t'as une personne qui sait que c'est un parrain de la mafia, donc du coup il lui voue une admiration sans borne. Ça pourrait virer à la bromance aussi, mais c'est pas du tout assez tissé en soi. T'en as un par exemple qui ne comprend absolument, enfin qui est un personnage très perché qui comprend rien à cette il croit toujours tout le long du manga que c'est un jeu, c'est un peu stupide en soi. Et du coup, lui, c'est vraiment un pote, mais genre, d'ailleurs, c'est un sportif, le mec, c'est gros cliché sur le sportif débile, mais voilà, enfin, lui, il le considère juste comme un pote. T'en as d'autres qui, même si c'est lui qui est censé être le chef d'équipe, le considère comme un sous-fifre, etc. Enfin, bref, ça permet vraiment, notamment grâce à l'humour, en fait, qui est inhérent à ce manga-là et au côté quiproquo que t'as systématiquement sur cette espèce de mafia chelou, d'avoir des relations très diversifiées entre les personnages. Ce que t'as pas, par exemple, chez, Sensei, ils sont moins nombreux, mais ils ont tous le même type de relation entre eux. T'as pas un personnage où t'as une relation plus forte ou quoi que ce soit, en soi. Alors, officiellement, ils sont frères, de toute façon. Oui, de toute façon. Mais malgré tout, enfin, à part Sean qui est proche de tout le monde, et ça vire tellement au cliché dans les dans l'adaptation animée que c'est terrible. Ouais. Mais ils sont frères, bon, t'as eux deux, enfin Ikki et Sean qui sont encore plus frères puisqu'ils sont pas demi-frères contrairement aux autres, mais néanmoins ils ont tous le même type de relation en fait. Tu peux pas tisser des liens vraiment différents entre les personnages. Bah après beaucoup de mangas finissent comme ça. L'un des défauts de Shaman King peut-être, c'est que à la finale ils sont tous le même niveau de relation. Il peut-être... est moins proche de certains, genre Chocolat en fait dans ma tête et même Lizerg sont toujours restés un petit peu à part du, effectivement, mais... du groupe. Après t'as Ryu, Ren, Noro et Ryu par rapport à Yo, en tout ça peut vraiment avoir la même relation. Ren, ça s'est aplani hein, de ouf. Bah après Ren a toujours un côté un peu plus revanchard que. Oui mais c'est son ton. D'ailleurs est-ce que tu lis le manga avec les voix de l'anime? Non, parce que l'anime, écoute, je l'ai vu quand j'avais. Ouais. Moi, je fais que ça. Je me souviens à peine des voix de l'anime, en fait. Non, je ah oui, regardez pas l'anime de Shaman King. Ah, si, ah, si regardez-le. Français. Mais... non, mais regardez-le, mais après avoir lu. Oui, oui, il vaut mieux. Mais le générique français est très bien. Pour revenir sur les relations, du coup, les relations hommes-femmes, du coup, donc, il y a des romances dans les Neketsu, c'est même une règle de base dans la plupart des Neketsu, puisqu'il y a toujours une princesse à sauver, ou un personnage secondaire totalement inutile comme Hinata. Arrête, j'adore Hinata. Ah, moi aussi j'adore Hinata. Pour les fans d'Harry Potter, c'est Ginny Wesley. Hein. Non, mais à la base, Hinata, elle avait, franchement, dans le tournoi des shonen, l'auteur avait commencé à lui donner une histoire. Et puis après, l'auteur. Non, il donne une histoire à Neji. C'est toi que tu comprends pas et que tu veux concentrer sur Hinata, mais il a une histoire à Neji. C'est vrai qu'Hinata sert plus à créer une histoire à lui. Mais néanmoins, je trouve que le personnage était intéressant en fait. Dans... Oui, le personnage était intéressant. Mais parce le fait qu'elle soit amoureuse de Naruto n'a aucun intérêt. Bah oui. Elle le connaît presque pas, elle est dans la même classe. Elle sait même pas pourquoi elle l'aime. Ça pourrait être l'amoureuse transie. Si, mais... elle l'aime parce que. Oui, elle l'explique 30 ans. Non, mais en fait, moi, ce que j'aime bien avec le personnage Hinata, c'est que en gros. Tu sentais en fait tout le poids social et la pression sociale de sa famille puisque c'était elle l'héritière et que en fait elle comme c'est elle est très timide, elle arrive pas à dire non en fait à sa famille et elle voyait Naruto être en mode déterminé et tout ça et jamais et complètement rejeté socialement. Voilà et en fait je pense que d'une certaine manière son admiration s'est transformée en affection, tu vois. Mais c'est juste que bah au bout d'un moment l'auteur s'est dit normalement elle a jamais servi. Elle a servi une fois. Cette scène incroyable contre Pain. Mais c'était pour, enrichir Naruto. Oh, j'ai des frissons. C'était pas pour elle-même en fait. Elle sauve. J'avais oublié avant que quand on a parlé tard, j'avais. Parce que vraiment cette scène-là, quand elle arrive comme ça elle sur le champ. Elle sauve Naruto. Elle lui dit qu'elle l'aime. Et ça c'est très fort parce que enfin genre c'est tellement à base de non-dits, de personnages qui disent pas qu'ils s'aiment, donc ça frôle le ridicule. Mais bon, c'est encore une fois quasiment inhérent au shonen. Que c'est très très cool de voir cela, je trouve, justement. Sauf que, il n'y a pas eu de conséquences à cette scène. Il n'y a aucune conséquence, c'est pire. C'est pas traité à Naruto la fin, en fait. Finit avec, et on a l'impression que c'est parce qu'il n'y a qu'une seule fille qui l'aime. Bah, puis parce qu'il n'y a plus Sakura, donc. Oui, non, mais c'est un peu ça. En fait, lui, il ne lui répond jamais. Il n'y a pas de scène après où il se revoit pour en parler. C'est terrible. Alors, est-ce que dans l'anime, dans l'anime, à la fin du manga, il y a 10 épisodes, 10 épisodes de plus, je crois, de mémoire, un mini arc sur l'après-guerre des ninjas, quoi. L'après-guerre des ninjas et l'avant, en fait, célébration de Naruto Hokage. Je spoil Naruto, si vous l'avez pas lu, pareil, prescription là, un moment, il y en a marre. C'était évident qu'il deviendrait. Et voilà, c'est ça, c'est un peu le but du manga. Et c'est du coup, son Nindo. Le truc, c'est qu'on est déjà plusieurs années après la fin et que du coup, il n'y a pas eu cette création de relation. Il me semble qu'il y a un film justement où c'est Hinata qui se fait kidnapper par je sais pas quel méchant ou parce qu'en fait mais du coup c'est pas canon mais non je sais pas mais là, je me souviens d'un film où en gros voilà Hinata elle est en train de faire une écharpe pour Naruto et en fait il y a un méchant qui veut attraper la sœur ou le frère, je sais même plus, de Hinata, et en fait c'est Hinata qui arrive et qui sacrifie, je sais plus quoi, et en fait Naruto en allant sauver Hinata et ben il parle avec Sakura et en fait il se dit mais en fait je l'aime Hinata et il y a une scène ils sont devant un lac ou je sais plus quoi et après il y a des lucioles machin et après il la fait totale. Je t'aime mais du coup il a fallu attendre non, mais ah oui, putain mais c'est pas canon en fait et la toile ça invente un truc mais tu parlais tout à l'heure à l'instant genre des 10 épisodes qui rajoutent et qui font un arc. Alors ok c'est cool, ça se trouve c'est bien fait tout ça, mais j'ai envie de dire je m'en fous si tu lis le manga, c'est pour que tout ce qui mais c'est le même problème que de n'importe quel Star Wars où on te rajoute des trucs à côté, je veux dire c'est on s'en fout en soi, t'es censé voir ça dans le canon principal qui est éventuellement que le manga, enfin voilà. Et il y avait la possibilité j'avais trouvé ça très osé en soi, enfin très osé laissons les guillemets, mais de faire ça en fait, avoue Hinata qu'elle aimait Naruto, qu'elle en fait c'est la première fois où elle prenait un peu les devants en faisant un truc, je trouve ça très la vraie scène, c'est le contraire, la vraie scène culte c'est si Naruto le faisait. C'est ça qui aurait été important puisque en fait masculin, oui etc., non etc., mais... parce que Hinata dit je t'aime aussi parce qu'elle lui dit alors qu'il est là Alors qu'elle peut même pas parler quand il est là, quasiment. Bien sûr, c'est une bonne scène, elle est importante. Mais on s'en fout. Oui, parce que en fait, trop on s'en fout parce qu'il n'y a pas eu de conséquences. Oui, voilà. Parce que, en fait, le fait que Hinata le dise, effectivement, c'est un step up pour elle, parce que comme c'est une fille très timide et qu'elle a toujours regardé Naruto de loin, bah, en fait, là, elle était là. Elle, dans l'animé, je me souviens, elle, son visage, en fait, elle a perdu toute notion d'hésitation et elle a dit, bah, en fait, je t'aime. C'est juste qu'il n'y a pas de conséquences et Naruto ne lui en parle jamais. Il y a une autre scène où elle se met à côté de lui à toute fin. Contre Madara ou déjà c'est contre c'est genre une des premières qui le soutient qui oui, pousse les autres gens à se tenir elle se met debout et à côté de lui et, bah, bref en mode Genki Dama. Tout est raté dans les romances de Naruto. Effectivement, on en parlait tout à l'heure avec Sakura, c'est ignoble. Bah, c'est même malsain. C'est vraiment malsain là. Kurenai et le prof qui fume, c'est une bonne romance. Kurenai et le prof qui fume, c'est une bonne romance, mais oui, mais en fait ils ont un enfant, c'est tout. Exactement. Kurenai et ah bah je ne sais plus. Comment il s'appelle Je sais plus, il meurt. mais il a un enfant. Il a un enfant. Mais comme tu dis, Lucas, effectivement, leur romance, elle a l'air cool, mais elle est complètement passée sous silence, c'est ça, en fait. Quoi. Oui, après, j'avais envie de rebondir, alors qu'en fait, elle est. On s'en fout, parce qu'au final, c'est effectivement pas la relation qu'on veut. Limite, elle nous intéresse parce qu'effectivement, elle existe. Mais nous, ce qu'on veut, c'est des relations avec des personnages principaux. Et elles sont pas vraiment très bien développées. Voilà. Après, c'est pas forcément beaucoup mieux, genre, dans Dragon Ball en soi. Alors, dans Dragon Ball. Mieux quand même, on y songe. J'allais quand même y venir. Ils ont. Une relation qui se crée, on la voit se créer, elle existe vraiment. Il y a une rivalité, etc. Oui. Elle puis il y a une enfants. Promesse de mariage. Après, il a une pré-relation avec Bulma qui est intéressante aussi, qui est d'amitié. Genre, et ça va jamais plus loin. Une très bonne relation avec Bulma qui, d'ailleurs, à moitié l'héroïne du début de Dragon Ball. De Dragon Ball, en fait, avant Z en soi, clairement. Oui. Elle est 17 premiers tomes, en tout cas, les 10 premiers, elle est quand même prendre. Mais pour Shishi, elle devient inexistante à partir du moment où elle devient mère. Et c'est un gros problème. Elle est mère. Mais c'est la société japonaise. C'est ça, parce qu'à partir du moment totalement, où tu deviens mère, bah, en fait, c'est bizarre. Parce qu'avant, elle se battait, si je me trompe pas, quand on la rencontre, c'est au elle tournoi. Elle est guerrière, elle ouais, participe au tournoi, son père est un grand roi guerrier, etc. Mais comme tu dis, c'est super représentatif, parce que dans la société japonaise, bah, en fait, une fois que t'es devenue mère, bah, en fait, la plupart quittent leur travail pour s'occuper de... Tu perds ton statut de femme. Les relations entre personnages principaux, c'est un énorme problème. Pour rebondir sur Shaman King, il y en a une très très bonne. Très très bonne. En fait, elle se construit très longuement. Ça commence, l'héroïne, en gros, l'héroïne. La personnage féminin principale, Anna Kiyoyama. Voilà, Anna Kiyoyama. Qui est une sorte de shaman. Ouais. Et en fait, t'es fiancé à Yo depuis qu'ils ont 5 ans. Un peu plus, le revoir, il a 5-7 ans. En gros, elle débarque au tout début du tome 2, genre premier chapitre du tome 2, en disant qu'elle est la fiancée d'Io. Elle montre directement qu'elle a un caractère ultra autoritaire, elle met des baffes, elle le torture. C'est un passage féminin. Encore une fois, c'est le cliché de la femme. Non, ça elle commence pas, comme c'est un pas une brute en fait. Elle casse pas des trucs, elle est juste autorité, elle est plus mère déjà que femme. En fait. Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est genre soit c'est le cliché de la femme genre ultra douce, un peu serpillière, ou alors c'est le cliché de la femme castratrice, tu vois. Elle est pas castratrice parce qu'elle essaye de faire progresser Io. Alors en fait, elle dit directement genre elle veut qu'il devienne Shaman King pour elle être la first lady du monde des chamans. En gros, t'as un côté un peu intéressé. Elle est cupide, hein, totalement. Oui, mais qui couvre une relation qui est incroyable entre eux. Genre vraiment, ils ont une très très belle relation. En fait, la richesse, ils se connaissent depuis donc de nombreuses années, même si là ils sont pas vus au début depuis un petit moment. Mais en gros. Quasiment jamais, ils sont vus trois fois entre quand ils ont été promis. Et oui, voilà, mais ils se connaissent depuis très longtemps, il l'a sauvé quand il était jeune. C'est là où ils se rencontrent en fait. Et du coup, ils se connaissent relativement, et après, à partir du début du manga, ils vivent ensemble pendant les X mois de tout le manga. Bah, genre, c'est sous-entendu qu'ils ont une relation sexuelle alors que les personnages ont 15 ans. À un moment dans le manga, ils ont une relation sexuelle, clairement. Et c'est très très fort. Enfin, genre, la scène est très jolie. Et c'est assez notable pour un. Enfin, genre, même moi qui l'ai lu ça, je sais pas, 10 ans, 11 ans, j'ai compris ce qui se passait, quoi. Ouais, ouais. En fait, c'est un personnage qui est ultra présent, vraiment. Il est toujours là, pas au moment des combats spécialement, mais il a vraiment une présence constante. C'est pas un pur soutien. C'est ça. Elle fait progresser l'histoire aussi. Et elle fait grave progresser l'histoire. Elle est toujours forte, même Deus Ex Machina à plusieurs moments. Après, elle est très forte, mais c'est pas genre la femme qui casse des cailloux. Elle a pas le même genre de force. Non, c'est pas la pure force physique, quoi. En fait, elle a une connaissance du monde des chamans qui lui permet, en fait, d'amener des trucs à plusieurs moments. Je pense au moment où elle commence à ramener des fantômes à l'appel, quand elle crée. Bah, tout le chalet, etc., et qu'elle amène, qu'elle ramène Tamao, qu'elle ramène les, etc., enfin, quand elle crée son entourage, quoi. En gros, elle a, comment dire, vas-y, formule, mon petit. oui. Elle est Itako, donc c'est pas une chamane qui se bat, c'est une chamane qui appelle les esprits. En gros, c'est un peu soutien en soi, c'est pas faux. C'est l'encyclopédie un petit peu des chamanes dans certains points de vue. Mais genre, si elle avait été une chamane qui se battait, elle aurait pu être ultra forte parce que le peu de fois où on la voit se battre, elle est forte. Oui, et puis elle maîtrise des fantômes de ouf. Et elle met des baffes. Et c'est très très bon. Du coup, en fait, là, le rôle de la healeuse, quoi. Non. Non, plutôt de la vieille sage. Ok. Mais elle est pas vieille. Voilà. mais donc voilà, c'est une relation qui est plutôt forte, qui se finit comme elle se finit. J'allais spoiler par contre là. Non, spoil pas, parce que j'aurais bien quand même le dire. Non, parce qu'on sait pas, on peut pas savoir comment ça se passe à la fin, franchement, si t'as pas eu le tome. C'est pas faux. Bon, bref, je veux dire, ils sont fiancés, genre, voilà, elle veut être la femme de Yo. Et ça se passe, franchement, il y a beaucoup, beaucoup d'évolutions, beaucoup de moments à deux aussi. C'est ça que j'allais rebondir là-dessus. Il y a beaucoup de moments à deux où ils parlent, où. De leur vie en fait. Voilà, il y a des moments très choux, où tu vois des scénettes, je crois qu'ils sont en fin de tome, je sais plus trop, où genre, on voit qu'elle est tyrannique avec lui, genre, tout l'argent, je sais plus comment il gagne de l'argent. Genre, en gros, c'est elle qui le restreint, elle lui donne l'argent pour aller faire les courses et pas plus. Et il y a une fois, c'est trop chou, genre, elle lui donne de l'argent en plus en disant, tiens, tu pourras acheter le CD que t'aimes bien. Et lui, du coup, il se dit, elle a fait ça pour moi. Alors, il est en souffrance, mais elle a fait ça pour moi, donc du coup, il décide, au final, de lui acheter le CD que elle aime bien, qui vient de sortir. Il lui ramène ça tout content pour lui faire un cadeau, et en fait, elle l'a déjà acheté le CD elle-même, et c'est... Ah non. C'est incroyable. Ils sont vraiment cute ensemble, vraiment. En fait, elle est tyrannique parce qu'elle veut qu'il progresse. Et lui, c'est un méga feignant, genre, de ouf. Bah, il veut devenir Shaman King pour pouvoir paresser à vie, en fait. Ouais, exactement. Parce que tous, on en a à peine parlé tout à l'heure, mais ça qui est génial, en fait, c'est que tous les personnages qui veulent être Shaman King, que ce soit les antagonistes ou les protagonistes, ont tous une raison valable. Alors, des fois, c'est un peu ridicule, mais il y en a, genre, c'est pour sauver la planète qui est la déforestation, pour arrêter la déforestation, ce genre de choses. Donc, il y a des personnages où c'est vraiment des bons trucs, et donc, t'as envie que tous réussissent. Et voilà, t'as pas forcément envie que le héros gagne, en fait, mine de rien. C'est ça. Du coup, ouais, pas de souci. Pour les romances entre personnages, c'est vrai qu'on aimerait que bah y en ait plus, voilà, à la Shaman King. Alors si le personnage féminin en plus est fort, c'est tant mieux. Mais ce qu'on veut surtout pas fort de force physique. Un caractère fort, un vrai personnage quoi, avec un background, avec un caractère fort, ça veut tout et rien dire en fait. C'est parce que faut pas toujours que en fait. Non mais une personnalité quoi. Oui c'est ça. C'est ça. Voilà. Mais parce qu'en fait dire caractère fort ça peut prêter à confusion en fait parce que c'est vrai que comme tu disais tout à l'heure Lucas, c'est que des fois les mangaka ils créent des personnages féminins forts en mode ah c'est bon j'ai créé mon personnage féminin, j'ai mon quota. Voilà. Alors qu'en fait un bon personnage féminin ça veut pas dire que forcément elle doit être hyper forte physiquement. Il faut qu'elle ait une personnalité et qu'elle ait autre chose dans la tête que d'aimer le mec quoi. Tout à fait. Non, totalement. Bah après ça ouais, il faut des, en fait ce qu'on veut pas c'est Hinata en fait. Mais j'aime bien Hinata. Non mais pas Hinata, j'adore le personnage aussi. D'ailleurs je la préfère en personnage quand elle est dans Boruto. Voilà, elle a au moins des apparitions, voilà, déjà. Ah non, mais non. Moi, pour le peu de ce que j'ai regardé de Boruto, la voir juste mère de famille comme ça, c'est. Oui, mais c'est la mère japonaise, quoi. J'ai pas lu. C'est la mère japonaise. Elle est à la maison, elle fait la cuisine pour Naruto. Enfin, mais justement, parce que moi, je me souviens. Oui, mais on la voit plus de 2 minutes. Oui, mais je me souviens de ces scènes de combat, quand même, et tout, et elle avait quand même une détermination. Maintenant, c'est enfin, le monde est en paix, elle va pas commencer. Oui, mais bon, maintenant. De toute façon, globalement, c'est dans les épisodes, je sais pas les OAV, mais c'est dans les épisodes hors série, que ce soit dans la première, ceux de la première, je me souviens d'une scène qui m'a marqué terriblement, c'était après le départ de Sasuke, donc en gros après le tome 26, ils ont rajouté des épisodes où t'as des missions en plus, et genre il y en a une où Naruto a une mission avec elle, et elle danse tout nu sur un lac en s'entraînant, en développant une nouvelle technique qu'elle doit faire son jamais. 280, non les 500 quelque chose, elle double celle de Neji. Non, c'est juste que elle, c'est les 164 points du haké protecteur. Elle utilise comme une défense, plus ou moins. Mais en fait, elle développe la technique que Neji avait développée lui dans le manga. Parce qu'elle n'avait jamais réussi à faire cette technique parce qu'elle a une faiblesse. C'est plus dû à la pression sociale. Elle n'est pas forcément faible, mais en gros, elle est moins forte que beaucoup de sa famille parce qu'elle ne s'assume pas, etc. Après, elle a les points en feu qu'elle développe après. Ouais, mais ça, c'est beaucoup plus tard. Genre, dans la première série, globalement, elle fait très peu de choses. Elle est, en fait, on voit la technique. Oui, dans Shippuden, techniquement, ton truc aussi. Non, c'est quand même avant qu'ils aient eu 3 ans d'entraînement. En gros, on la voit développer une technique au début de Shippuden, enfin au début, quand ils vont chercher Gaara et qu'il y a que l'équipe de Gaï qui est dans le désert et qui attaque Karasu, enfin je sais plus comment il s'appelle. Elle est pas dans l'équipe de Gaï, hein. Je crois que si. Alors elle a changé de team parce que de base elle l'est pas. L'équipe de Gaï c'est Lee, Tenten et. Ah, t'as raison, justement. Oui. Donc non, on la voit pas là. Je sais plus quand c'est qu'on la voit utiliser ses points pour la première fois. Est-ce que c'est pas dans un filler direct? Elle utilise ses points contre Pain. Oui, mais on la voit largement avant dans un filler, je pense. Même dans le manga, une mission en fait à 3 avec peut-être avec Lee justement du coup. Dans tous les cas, ils apparaissent très tôt, genre limite premier chapitre de Shippuden tous puisqu'on a. Oui, on les voit tous avec leur nouveau design et après basta pendant. Après peut-être qu'on la revoit par-ci par-là. Shippuden développe presque mieux en fait. Il y a des tomes où genre tu sais. Shikamaru, c'est clairement lui que j'avais en tête, mais il y a des tomes qui se centrent sur d'autres personnages, genre pas Naruto en soi. Et c'est plutôt Shikamaru. Cool, parce que c'est pas si courant que ça, ouais. Et pas Sasuke, et c'est une bonne chose. Ça se résume quand même à Shikamaru, mais. Oui, tout à fait. Écoute, voilà. Shikamaru, il est cool, mais c'est juste que tu vois, par exemple. Et il a une masculinité très intéressante. Oui, c'est ça, parce qu'il a, il a un côté très. Et une relation d'amour qui est sympa aussi. Oui, ça romance, c'est pas trop mal. Ouais, effectivement. Ça démarre en mode, comme souvent, genre, ils s'affrontent, ils s'aiment pas trop. Y a rien! C'est très difficile. À la fin de la première partie de Naruto, il part, parce qu'il est le seul Shunin, il part en mission, notamment Asuna, point final. Il n'y a pas de création de relation. À moins que ce soit un filler, mais pas dans le canon. Oui, c'est peut-être la version que je me suis racontée dans ma tête, j'avoue. Mais dans mon souvenir, elle évolue un petit peu, parce que ça démarre d'un rien du tout. En fait, mais c'est peut-être, malgré tout, c'était une des mieux développées quand même de Naruto, en fait. C'est triste à dire, peut-être. Du coup. Mais effectivement, quand elle revient, quand on la revoit une seconde fois, ils sont en couple. Mais par contre, tu vois, non, je suis pas. Par contre, vous voyez, moi, ce que, enfin, on parle d'Hinata derrière les fourneaux, bah, c'est la même chose que Sakura. Tu parles de Boruto, du coup. Non, mais, oui, dans Boruto, c'est pareil pour Sakura. Sakura, je rappelle quand même que elle est censée représenter genre le troisième membre de leur trio. Le troisième membre de trio. La Tsunade de l'époque. Et la Tsunade de l'époque, elle est là toujours avec son petit tablier. Elle est vraiment tablier. La bouffe. Oh non. Et tout. Et elle attend Sasuke. Excusez-moi. Pourquoi, toutes les meufs. Mais le plus marrant, c'est que sa fille lui dit, mais tu sers à rien, quoi. Enfin, genre, t'aimes Sasuke en fait, parce que genre il est jamais là, toi tu sers à rien. La fille, c'est le lecteur qui en a marre en fait. Ouais, c'est ça, mais c'est tellement ça, tu vois. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, quand c'est et Hinata et Sakura, ça commence à faire beaucoup, ça se voit Et du coup, pour rebondir sur les relations comme ça, ce qu'on aimerait, c'est des relations affirmées et assumées courant, dans le manga. Pas à la fin. C'est pas la finalité du truc en fait, c'est genre comme dans la vraie vie, une relation se forme, voire se défait. Et là, j'ai pas d'exemple. À part Shaman King. Mais il y en a sûrement, comme d'hab. Mais j'ai aucun exemple de relation amoureuse qui est dans un shonen Neketsu pendant le shonen et qui continue. Et on sait que tous qui sont en couple, ou en tout cas, le héros le sait. Vegeta Bulma, non, ça marche pas. Bah oui, mais c'est pas le héros. Et c'est chelou leur relation en soi, de manière générale. Après, le truc, c'est qu'on sait qu'ils font des enfants. Et qui veut la protéger, et point, tu vois. Il n'y a pas de scène entre eux. Chichi à la rigueur, comme tu dis. Même si elle est trop dépassée. Bah non, pareil, il n'y a pas de scène entre eux. Exact, ouais, en fait, j'avoue. Au moment où ils se marient, en fait, on n'a plus de scène entre eux, presque, à part, voilà. Dans les fillers, il y a plus de scènes entre eux que dans les films. Je pensais à un truc, du coup, mais c'est un manfra. C'est, alors, j'ai pas lu depuis longtemps, donc je suis très en retard, et je compte sans doute pas rattraper. Dreamland de Renaud Lemaire. Donc, c'est un manga français. Ils sont ensemble? Ouais. Et le, alors, ça commence, lui, c'est le personnage typique, genre, les cheveux, ah oui, lui, c'est un loser. Il est un peu débile, genre, il rate son bac 2-3 fois, je crois, je sais plus, enfin. Désolé pour ceux qui ont raté leur bac, cliché, mais dans, genre, dans l'œuvre, c'est non, mais c'est il a un STG. En plus. Non, mais voilà, en gros, il est amoureux de la fille trop belle, qui est genre, la plus belle de son école et qui est vachement intelligente. Je sais plus comment ça commence. Est-ce qu'elle a déjà conscience qu'il existe? Est-ce qu'elle s'en fout de lui? Je me souviens plus trop. Mais très vite, il développe une relation. Genre, bah, déjà, ils couchent ensemble. C'est même pas. C'est au-delà du explicite, t'as on voit. Raison. Et genre, à partir de ce tome-là, il y a une. Exact. Enfin bref, avant même qu'ils couchent ensemble, en fait, c'est assez intéressant. Genre, elle l'aide pour réussir ses cours, pour repasser son bac, tout ça. Exact. Et genre, ils ont des engueulades. Genre, ils sont déjà en couple, mais il y a des moments où ils vont se faire la gueule, ils vont se revenir. Vrai. Et c'est justement après une engueulade qu'ils vont coucher ensemble pour la première fois. Donc, ouais, je répète, Dreamland. Très, très belle Dreamland de Renaud Lemaire, c'est français. Et effectivement, c'est très très bon, j'avais tant oublié, c'est Ankama, je crois, non? Non, pas du tout. C'est pour une fois, c'est pas un bon Kurokawa. Et t'as raison, c'est pas que les Ankama, ils n'étaient pas à l'époque. Kurokawa? Je ne sais pas. Non, ça doit être Pika. Ah, peut-être Pika. Ah ouais, peut-être Pika ou Kaze, un des deux. J'ai vérifié vite fait. Mais ouais, Dreamland, le concept de base, un héros qui est dans notre monde à nous, qui vit à Cannes, je crois. Qui est en vacances à Cannes, en tout cas. Cannes, Marseille, un truc utile, c'est. Non, c'est Cannes, c'est sûr. Ils vont au casino. Et il vit en fait dans ce là-dedans et un jour en fait, il a un rêve où il voit sa mère qui est décédée dans un incendie. Mm-hmm. Et il arrive à combattre sa peur du feu dans son rêve, je crois. Ouais, c'est ça. Et en fait le lendemain, je crois quand il s'endort, il arrive dans un monde. Et en fait, Dreamland. Et comme en fait, il a réussi à battre sa peur, il arrive dans un monde imaginaire qu'il peut atteindre la nuit dès qu'il dort. Et tous les gens qui arrivent à battre leur peur dans cet univers... Montpellier. Je crois. Oui, mais au début, il est sur la plage, Montpellier, non? Donc en vrai, je pense que c'est à Montpellier. Il était à Montpellier dès le début, je confonds avec notre manga, peut-être. C'est Pika, édition. Tous ceux... C'est Pika? Mm-hmm. Ok. Et tous ceux qui arrivent à... dans à battre leur peur, en fait, arrivent dans ce monde Dreamland où ils ont tous un pouvoir en rapport avec leur grande peur. Donc lui, son pouvoir, ça sera d'utiliser le feu, puisqu'il voilà. a réussi à vaincre sa peur du feu. Mais t'as des gens qui parlent aux poissons. Ah, il y a des peurs absolument ridicules. Son héros, il parle aux poissons. Ouais, c'est ça. Il fusionne avec eux et tout, en fait. Voilà, il fusionne avec des poissons. Mais en gros, ce qui peut être marrant, c'est de se dire, chaque fois que tu vois un personnage qui a un pouvoir badass, c'est genre, mais quel pouvait être ta peur? Ouais. Il y a un mec, il a une armure d'or, c'est une grosse référence à Saint Seiya. Et genre, c'était quoi ta peur? Genre, le métal, l'or, physiquement, te faisait peur. Sa peinture, là. Le héros. Ah, le hippie. Ouais. Je sais plus pourquoi il a. En tout cas, très bon manga, et effectivement, il y a la relation amoureuse. Ils vont pas comme partout, mais c'est. Oui, mais c'est un Neketsu classique, mais avec beaucoup de bonnes idées. Il y avait des graphismes qui étaient assez ouf. Genre, en fait, ils ont un classement des personnages les plus forts ou autres de leur monde, en plusieurs listes, genre, bref, j'ai oublié. Ils sont pas rangs, hein. Je crois qu'ils sont pas rangs, à part lettres. Oui, S, M et L, ou un truc comme ça. C'est pas L, mais en gros, t'as les tops, les médians et les prometteurs. Et genre le mec qui est classé comme étant le meilleur, on sait assez vite en fait que c'est pas le plus fort forcément, c'est le mec avec le corbeau, j'ai oublié son nom. C'est pas le plus fort, parce que le deuxième Attila, qui lui est une brute du feu, est clairement le plus fort, mais il a dû faire un truc, à l'époque où j'ai lu moi, on savait pas ce qu'il avait pu faire, mais il avait dû sauver Dreamland d'une manière ou d'une autre, ce qui fait qu'il avait ce poste là. Donc il y avait un côté un peu à la Shaman King, mine de rien, mais un côté puissance qui était assez intéressant. C'est pas genre un compteur de points qui dit t'es le meilleur. Il peut y avoir plein de trucs à prendre en compte. Non, puis il y a un combat et tout aussi. Ouais, c'était assez vaste. T'as un royaume de chats, un royaume de. T'as un univers qui est vraiment vaste. Et on avait vu très peu de choses. En gros, là où j'en étais, les personnages avaient un but. Ils veulent aller dans une terre. Je sais plus c'est quoi l'idée, mais. C'est pour lui, hein. Je crois que c'est pour ressusciter sa mère, non? Je crois qu'en fait, ils veulent atteindre un des mondes où tu peux aller chercher des morts. Un monde qui est genre mythique. Et il y a Carl Gustav Jung, donc l'un des deux pères de la psychanalyse, dans la vraie vie, je veux dire. Enfin, c'est un des deux pères, lui ou Freud, c'est toujours un gros débat, qui apparaît assez régulièrement comme personnage. Il fait avancer l'histoire. Alors, je me souviens plus s'il a vraiment des trucs un peu philosophico-psychanalytiques intéressants ou pas. Mais il y a Jung qui apparaît dans un manga. C'est notable. Et pas Michael. Oui, non, Carl Gustav. C'était nul, mais... Oui, non, avant ça, du coup, pour continuer un peu sur Dreamland, je parlais de force des personnages, parce que donc il y a des combats, hein, c'est un Neketsu, et il y a un combat entre donc le mec qui a des pouvoirs de corbeau, qui est le meilleur de Dreamland apparemment, et un autre gars qui a des pouvoirs d'araignée, on s'en fout en soi, et le combat était graphiquement incroyable, genre c'était pas des pages pleines, c'était découpé en... Les cases étaient prenaient toute la largeur, mais... C'était des lignes en fait, les cases, sans texte, et genre l'auteur fait un effet de flou sur l'image pour montrer la vitesse des combats. Il y avait un côté ultra cinématographique, genre j'aurais adoré voir cette scène réalisée en animation. C'est. Alors vu que je ne t'en parle et je t'en parle et que tu ne l'as pas lu, ça te dit sans doute absolument rien, c'est logique. Non, mais c'était vraiment stylé. J'aime bien la passion avec laquelle tu en parles, c'est bon. Tu as les yeux qui pétillent, Lucas. Ah, ça c'est les lumières. Je voudrais bien, parce que tu as parlé de tout à l'heure en fait de la représentativité au sein des histoires, genre la parité entre hommes, femmes, type de personnage, etc. au sein de l'histoire, ça compte. Puis tu évoquais les autrices, et donc on va parler de la parité des autrices. Les autrices sont pas ultra nombreuses en soi, je pense, même si j'ai pas un regard très aiguisé là-dessus. Après, le problème, c'est que, genre, si tu vois juste un nom, désolé, mais personnellement, je sais pas forcément si c'est un homme ou une femme en voyant le nom, hein, c'est racisme occidental, mais voilà. Non, c'est parce que t'as pas le sens du conduit. Tout à fait. Mais après, j'ai lu au moins deux où je suis sûr que les auteurs sont des femmes, donc j'ai parlé de Reborn tout à l'heure, qui est donc un shonen neketsu assez classique, et Pandora Earth de Jun Mochizuki. Alors je ne connais pas le traducteur en tête, mais c'est édité chez Kiun en France. Il y a aussi des personnages assez intéressants, il y a une histoire d'amour entre les deux personnages principaux, Alice et Oz, qui se développe depuis le début, mais après c'est trop les trucs où tu sais tellement que ça va arriver que c'est un peu chiant que ça puisse tirer en longueur, etc. Mais les personnages sont assez intéressants, il y a aussi des personnages très filiforme et un peu flou sexuellement, donc ça peut être sympa. Et donc voilà, juste pour dire que c'est pas parce que c'est une autrice qui le fait que ça sera forcément plus progressiste ou quoi que ce soit, parce que Reborn, pour ce que j'aime dans ce manga, n'est pas excessivement progressiste. On a une mère femme au foyer qui est genre qui bite rien, qui comprend rien à la situation les trois quarts du temps, c'est terrible. Dont le père, enfin le mari est parti genre sans qu'elle se pose trop de questions, puisqu'il fait aussi partie de la mafia du coup, mais voilà. et voilà, enfin il y a un personnage principal. Pas principal du tout, il y a une des personnages de l'équipe du personnage principal, c'est très mal prononcé, qui est une femme du coup qui a une histoire intéressante, mais elle a besoin d'un autre homme en fait, elle vit aux dépens de lui, genre elle a eu une maladie ou un accident qui fait qu'elle a des organes en moins, et c'est un mec qui c'est un illusionniste en gros qui lui crée ses organes systématiquement, donc tant qu'elle n'arrivera pas elle-même à se créer à se faire vivre en se créant ses organes, elle dépendra de lui, puisque c'est lui qui lui permet de vivre. Donc voilà, il y a des personnages un peu intéressants, mais ils sont vraiment relégués au second plan. Tu l'as dit tout à l'heure, genre dans tous les jeux adaptés, enfin, les jeux genre Jump où il y a des personnages du Jump, je veux dire, il y a que les personnages principaux. Bah après, tu. De toute façon, t'as pas trois personnages. De mémoire, il y a jamais vu de personnages féminins et pourtant j'en ai vu pas mal de mecs. Hein. De manière générale, je pense pas que t'aies 10 personnages non plus, de toute façon, dans ce genre de jeu. Tu dois avoir 5 grands max, je sais pas. 5, 6, ouais. Il y a toujours le grand brun là avec son grand manteau, qui doit être un méchant à la base, hein, peut-être, d'ailleurs. Ah, Xanxus, qui a des flingues. Ouais. Très stylé comme personnage. Il y en a 2-3 autres, mais tout le monde s'en fout. Parce que... D'ailleurs, Xanxus, ce qui est cool, c'est que même s'il est battu par le héros à un moment, il ne devient pas un pote. Ils font partie de la même famille, même si c'est deux branches différentes. Donc, il y a une relation, c'est peut-être la fraternité, mais genre, ils bossent un peu ensemble par moment. Néanmoins, Xanxus reste un con jusqu'au bout. Et voilà, ça change un peu du personnage qui devient vraiment un pur ami en soi. Et donc voilà, Reborn, en gros, c'est pas beaucoup plus progressiste, même s'il y a quelques situations intéressantes, quelques personnages intéressants, il y a d'autres personnages féminins importants, et tellement importants que je me souviens plus de son nom. C'est une des Arcobaleno, les espèces de bébés, en fait. Sauf qu'elle, elle est plus un bébé. Mais c'est une personnage, du coup, c'est une femme, et bref, elle est cool, mais elle apparaît assez tard dans l'histoire. Après, comme on dit souvent, en tout cas, ceux qui s'y intéressent un peu, une histoire est écrite à deux, l'autrice ou l'auteur et le tanto, l'éditeur. Ouais, enfin, le coach qui est sous-éditeur, quoi, l'employé. Et le tanto co-écrit beaucoup, parfois. Mm-hmm. Et là, pour le coup, ça peut être une autrice ou pas. Si le tanto lui a dit le jump, c'est des mecs et c'est tout, point. Bah, ouais, bien sûr. C'est ça, c'est qu'en fait, par rapport à l'absence de diversité, en fait, dans les shonen, avoir qui... Enfin, le blocage, il est où? C'est le Shonen Jump qui dit non, c'est les auteurs, les autrices qui disent non, c'est parce que les autrices ont peur de pas être éditées, qui du coup en fait essaient de s'adapter sur des choses qui marchent par rapport au Shonen Jump. En fait c'est ça, c'est que bah qui influence qui, est-ce que bah d'une certaine manière ça peut être aussi un peu des deux par rapport à ce que tu disais, le fait que c'est pas parce que c'est une femme que ça veut dire que c'est plus progressiste. Bah en fait moi ça c'est pas quelque chose qui me choque particulièrement. Je sais plus qui l'avait dit, c'est une phrase très connue. C'est une phrase très connue. C'est mais forcément Einstein, du coup. Non. Non, mais c'est une phrase très connue, mais c'est quelqu'un qui avait dit, et je suis sûre que le nom m'échappe, mais c'est quelqu'un qui disait qu'en fait, on sera dans une société où les femmes et les hommes seront traités de la même manière le jour où les femmes pourront faire de la même merde, la même merde que les hommes. On ne leur demandera pas d'être plus progressiste ou quoi que ce soit. C'est ça, c'est-à-dire que à ce moment-là, qu'une femme fasse la même chose qu'un homme, ça me choque pas. Non, du moment que en fait ils sont pas, et du moment que en fait on tape pas sur la femme plus que sur l'homme, tu vois, parce qu'en fait si on reproche pas le truc à l'homme, pourquoi on le reprocherait à la femme, en fait? Tout à fait. Et c'est ça, courage Brie Larson. Comment? Courage Brie Larson. Et c'est ça, c'est un peu ça. Si se rappeler que dans la crise de Captain Marvel, pour info. C'est ça. Dans les sonages de popularité. C'était très mal dit comment je l'ai dit, mais tu as compris, effectivement. Dans les sonages de popularité, il y a un truc très important aussi, c'est que s'il y a un personnage féminin et classé 15 ou 20e, juste il apparaîtra plus. T'as raison de le développer, ouais, bien sûr. Après, juste si le public, parce que oui, je rappelle, pendant le Shonen Jump, donc il y a des sondages de popularité, c'est ce que vous voyez dans tous vos mangas. Des œuvres et sur les personnages même, en soi. À l'intérieur des mangas. Ah non, c'est que sur les personnages même, d'ailleurs, pas sur les œuvres. D'accord. Enfin, si, il y en a un sur les œuvres, mais tout le monde s'en. Enfin, là, pour le coup, c'est pas la question. Mais là, pour les personnages même, donc dans une œuvre, il y a des sondages de popularité de personnages, et qui influencent grandement certains auteurs. Je crois que dans le podcast 5ème de couvre, on citait Inuyasha, je crois, où l'auteur, c'est l'auteur de Hunter x Hunter, de mémoire, en fait, avait fait en sorte que, effectivement, ça reflète vraiment les évolutions scénaristiques, reflétaient les sondages, quoi. D'accord. Et c'est assez logique. Justement, c'est pas ce qui s'est produit aussi avec l'œuvre de Naruto, c'est que comme Sasuke a tellement pris d'importance, et du coup, le mangaka a écrit un peu. Peut-être, mais le problème, c'est surtout que le mangaka, son personnage préféré. Ah ouais? Point barre. Oui. C'est marrant parce que ça se voit pas des masses, quoi. À part le fait qu'il est développé pour rien, je veux dire. Mais... À part le fait qu'il a 4 tomes que sur lui où on voit même pas Naruto. Ouais, c'est pas faux. C'est donc, À part le fait que ce soit devenu le personnage principal à partir de la tome 40 jusqu'au tome 50. Alors, vraiment, Sasuke, c'est l'un des pires persos. Je ne supporte pas ce personnage. Je l'aime bien dans le. Au tout début, en fait. Voilà, jusqu'à l'examen de Chunin, mais jusqu'à Gaara. Puis même les 4 premiers tomes, ils sont tellement cool, sans déconner. Les 4 premiers tomes de Naruto. Et puis après, t'as Sasuke. Ah, Itachi est mort pour sauver mon village. C'est le cliché. Et du coup, je vais tuer le. Voilà, systématiquement. Change sa veste à chaque fois qu'on lui dit un truc différent, quoi. Donc. Le moment où il dit qu'il va finalement, il veut pas devenir Hokage sur la fin. Ah, en fait, à la fin, même Sakura dit qu'elle va devenir Hokage. Non mais c'est. Ah, j'en ai marre. Non, elle dit pas ça. En gros, là, il y a une sorte de gag de soutien à Naruto où en gros Naruto dit je Hokage, Sasuke dit je vais être Hokage, ou l'un des deux le dit en premier, je sais plus. Et à partir de ce moment-là, en fait, Sakura le dit, et finalement, tous les amis qui sont avec lui le disent. Ok, ça, c'est un beau message. De mémoire, hein, mais je ouais, que c'est mais ça. Par contre, Sasuke, et en fait, c'est ça qui m'a révolté, c'était oui, Sakura. C'est ça. Sasuke, il arrive, alors il fait... détruire, c'est ça, il arrive, ouais, alors je voulais tous vous tuer, mais maintenant, je vais devenir l'Hokage. Mais calmez-vous, mon gars, c'est pas possible, non? Je sais pas. Et en fait, je viens de me rappeler d'une autre œuvre écrite par une femme qu'on a lue, au moins tous les deux en tout cas, qui est Senseiya The Lost Canvas, écrit par Shiori Teshirogi. Oui. Et du coup, là, on peut voir un vague... Enfin, déjà, elle a un trait, mais c'est pas forcément parce que c'est une femme, mais elle a un trait qui est ultra différent de celui de Kurumada, heureusement, mais qui est beaucoup plus, du coup, actuel, en fait, qui fait très Naruto dans le style, en soi, en prenant large. Et donc voilà, c'est cool aussi de laisser une femme reprendre une licence aussi importante que Senseiya au Japon. Et très bonne évolution, sachant que ça s'est super bien vendu globalement. Genre, il y a eu autant de tomes. Bah, ils ont fait un anime, je pense que. Qui a pas été jusqu'au bout, mais ouais. Oui, mais bon, à partir du moment où tu commences un anime, c'est que déjà c'est bien, bien vendu. C'est vrai, bah, genre, c'est vrai que Sensei Yage n'a jamais eu le droit à un anime. Bon, non seulement les ventes étaient sans doute pas les mêmes, et après, enfin, adapter le style de visuel de Megumi Okada, ça doit être vraiment compliqué. Ouais. Tu peux pas, en fait. C'est aussi, il faut un budget de film, sinon, mais. Il y avait un manga que Florimond m'a prêté, et j'ai oublié le nom, et qui était très très bien, qui m'avait beaucoup surprise. C'était un manga où c'était du basket, mais c'était du anti-basket. Ah, ouais. C'est donc par l'auteur de Slam Dunk, et ça s'appelle... Real. Ouais, Real, c'est ça, Real. Ouais. Et en fait, justement... Takehiko Inoue. Takehiko. Ouais, Takehiko. Et en fait, par rapport, on parlait de diversité, mais juste, on parlait par exemple de tout ce qui était femme, la sensibilité des hommes. Mais en fait, effectivement, bah, tout ce qui est handicap physique... Et même handicap mental, ça n'existe pas en fait dans les mangas. On parlait vaguement de la dépression tout à l'heure, mais c'est ça. Ou alors c'est très. Il y en a pas beaucoup quoi. Moi quand Florimond m'a parlé de ce manga, j'étais choquée en fait que ça existe. Mais il est pas du tout connu. Il est pas du tout connu. Et en fait c'est aussi ça, je pense aussi que moi j'aimerais bien voir par rapport à que j'aimerais bien voir en fait dans des shonen et dans le shonen jump, c'est en fait des personnages principaux qui sont un peu différents, parce que c'est vrai que c'est évident que il y a des codes, et le fait qu'il y ait des codes n'est pas une mauvaise chose, mais à un moment donné, si les codes sont omniprésents et que c'est toujours le même personnage principal, justement tu parlais de Death Note tout à l'heure, le personnage principal de Death Note, bah en fait il répond pas au code classique. Non, mais il a tout pour lui quand même. Voilà. Par contre, ouais, j'allais dire, en fait il n'est pas différent dans le sens que tu veux. Ouais. Il a rien de différent. Oui. C'est un dieu, c'est une ordure. De ça, base. C'est intéressant. Comme oui, mais non, c'est différent. Oui, oui. Mais c'est pas en soi original pour la représentativité. Non, bien sûr. C'est pas souhaitable, en fait, que les personnages ressemblent à la solidité. Non, c'est oui, tout non, monde mais... comme c'est juste, dire, en fait, mettre en héros principal les mecs que tu détestes à ton collège, tu vois. Non, c'est juste que, au-delà même du mettre de la représentativité dans les mangas, que ce soit en personnage principal ou en personnage secondaire, c'est qu'en fait, il faut pas que tous les personnages principaux se ressemblent, tu vois. Et c'est vrai que bah alors c'est effectivement tu auras quand même c'est pas à 100% qu'ils se ressemblent tous. Mm-hmm. Mais il y a tu sens toujours, tu disais tout à l'heure, le personnage un peu béné qui veut sauver le monde, ça se ressent souvent, ça se voit souvent en fait. Et du coup, est-ce que avec ces mêmes codes du Shonen Jump, est-ce qu'on peut pas quand même créer des personnages différents? Ah ouais, en fait. Bah, clairement. C'est ça en fait que moi je trouve qu'il manque. Bah, Slam Dunk donc est par Inoue est sorti sur dans le Jump. C'est l'histoire d'un bonnet qui connaît même pas le basket, qui veut devenir basketteur. Et du coup son œuvre d'après c'est Real, qui est pas publié dans le Jump. Où là pour le coup on suit des fins de lycéens dont certains sont handicapés, et c'est la thématique principale de l'œuvre. Et on passe des tomes entiers à parler de handicap et à pas voir de match de basket. Mmh. Et là, c'est fort. C'est fort parce que le héros est un benet, en plus qui a arrêté les cours, etc. Et en fait, il est confronté à des personnages face à l'handicap tout le temps, à longueur de temps. Et en fait, il évolue comme ça. En fait. Il se prend des leçons et des claques dans la gueule à longueur de temps. C'est même pas le personnage principal, en fait. Mmh. C'est le spectateur. Mais tous les autres sont en dépression, en fait, de ouf. Où certains en fait combattent et du coup ont réussi à devenir heureux malgré leur handicap, etc. Et en fait on suit ce personnage-là qui est confronté à tout le monde, et c'est un manga qui aurait pu être dans le Jump totalement. En plus ses dessins sont divins. Ah oui, les dessins c'était incroyable. Mais le Jump veut pas. Jump veut pas proposer ça à son élève. Alors après, bon, le thème du handicap était un peu poussé pour un enfant de 7 à 15 ans. Mais bah en fait, justement, moi je pense pas. C'est parce que c'est ce que vous disiez tous les deux tout à l'heure. C'est qu'en fait, les enfants, quand ils sont jeunes, ils naissent pas avec des a priori en fait. Les a priori, c'est les adultes qui les mettent dans leur tête. Est-ce que t'as assez de recul sur le monde pour penser à l'état du handicap sur ton corps? Oui, mais justement, en fait, le truc, c'est que est-ce que c'est pas une bonne chose de montrer en fait à des enfants sans forcément dire ah regarde il est handicapé, mais juste de montrer dans des shonen, voilà, il y a des personnages, bah ils ont non mais totalement d'accord. Juste que Reel pouvait pas y être, mais par exemple purée de Samurai 8, il y a un handicapé. Enfin, ils sont tous les deux handicapés. Ça commence comme ça. Oui, genre, voilà. Mais ça commence comme ça. Le premier chapitre était le héros est handicapé. En fait, il est bloqué. Il peut pas se déplacer. Il a aucune force physique, aucun muscle, ni rien. Je sais plus ce qu'il a. Le problème, c'est qu'au bout de deux chapitres, il est cheaté en mode dieu et c'est Naruto. Et c'est tout. Mais le premier chapitre est intéressant. Et voilà, Reel, pour moi, c'est pas pour enfants. Parce que voilà, il y a un recul. Tu peux pas comparer ta vie actuelle à un handicapé à 7 ans. Et Death Note est l'exception qui confirme la règle, je pense. Pour moi, je l'aurais jamais diffusé dans le Shonen Jump. J'avoue. Mais c'est cool. Enfin, mine de rien, c'est souvent ça, même quand un studio de cinéma prend un peu de risque en faisant un truc inattendu, des fois ça marche et c'est incroyable. Ouais, totalement. Mais vous, c'est bien. Il y a des risques. Après, parce que là, ce que tu disais, c'est que Death Note, à part le concept de base, le fait que ce soit original pour un Shonen, enfin, que ce soit presque un Shonen, à l'intérieur, par contre, il n'y a pas d'originalité beaucoup. Ouais. Les personnages sont ultra clichés, voire ultra, ultra, ultra sexistes. Le seul personnage féminin est une grosse conne. Hein. C'est ce qui est. Alors, du coup, c'est mauvais pour la représentation de la femme en soi. Ça fait un personnage qui est intéressant quand même, en fait. Bien sûr. Genre, et encore une fois, mais c'est cliché et c'est cliché. Dans sa grosse dépendance au personnage de Light, en fait, où genre elle lui donne littéralement la moitié de sa vie deux fois. Ouais. C'est énorme. Non, son background est hyper développé et tout. Ouais. Mais ça reste que c'est sexiste, que c'est du patriarcat 100% du temps dans le manga. Après, Light est une ordure, de toute façon. Oui, bah après, c'est représentatif de la société, quoi. Société japonaise poussée à l'extrême. Les ordures, bravo, ok. Non, sur les ordures, par contre, le patriarcat est omniprésent. Ouais, et, parce qu'il y a son père à Light aussi, etc. Qui est pas un mauvais type du tout. Non, mais bien sûr, les pères sont omniprésents, etc. Il y a pas de mère. Bah, elle est là, mais elle sert à faire à manger. Et c'est triste, mais oui. Il a une sœur. Son père est flic, de mémoire, etc. Oui, c'est ça, son père, c'est le chef de l'enquête. Et il a une sœur qui est. Elle devrait être beaucoup développée, mais comme tu sais, genre, après la moitié, et l'événement qui aurait dû clore le manga, même si tout le monde le connaît, j'étais pas le spoiler coup, t'as un hiatus, hiatus, ça se dit, c'est ça. Tu t'es genre 5 ans plus tard, peut-être, un truc comme ça, et donc tu revois les personnages. Alors là, il t'a physiquement pas changé, il a juste pris du grade, on va dire, dans son boulot, où il est chargé de s'auto-enquêter et du coup de s'auto-pas retrouver, c'est incroyable. Et tu vois sa sœur, du coup, qui a grandi, elle est assez intéressante. Genre, elle passe de la petite fille, simplement, au personnage qui peut attirer les hommes. C'est pas forcément la meilleure image qu'on puisse avoir, mais c'est quand même une évolution réaliste en soi du personnage. Et oui, mais on s'en fout. Enfin, au bout des 12 tomes, tu t'en bats les couilles. C'est pas faux. Mm. T'as aussi la. La flic. Ouais, mais qui meurt dès qu'elle apparaît quasiment, en fait. Mais qui est intéressante. Enfin, c'est un couple du coup d'agents du FBI qui sont. C'est pour une fois que le Japon, enfin que un manga sort du Japon en termes d'histoire. Mais t'as des agents du FBI qui interviennent, une femme et un homme qui sont en couple, qui sont tous les deux intéressants, et la femme reste un peu plus longtemps que lui. Elle est vraiment intéressante. Ouais. C'est un vrai obstacle au plan de elle, en fait. Elle a failli le faire capoter, quoi. Donc c'est assez cool. Donc ouais, il y a ça, mais ça reste voilà. Enfin, Death Note reste original et une exception. Par son background, son concept, son idée, etc. C'est pas un shonen pour moi presque. Et d'ailleurs, il y a même pas. Enfin, dans les trois thèmes du Shonen Jump que sont amitié, victoire et. Effort. Il y a effort, un peu d'effort, si, il y a effort, voilà. Bah, il y a encore amitié, moi. Le truc, c'est que Light est déjà parfait. Genre, c'est le premier étudiant du Japon. Et puis, il n'y a pas victoire. Il est sportif, enfin, voilà. Il n'y a pas victoire du coup, on avait dit pas de spoil bien joué. Bah ça se finit. Non mais ça. Or à la fin, je vous l'explique juste comme ça, les humains sont vivants. Donc c'est que forcément ça a pas gagné. Ouais, je suis curieux de voir quand même le chapitre qui va sortir là prochainement. Alors ouais. Ok. L'inutilité ultime. Oui. En plus c'est pas sur lui et c'est en plus redondant. C'est sûr que c'est le synopsis c'est. Le livre de Ryuk se perd à nouveau. Ah ouais, ok. C'est pas comme s'il y avait déjà. Alors c'est pas avec Ryuk, mais il y a un chapitre qui était sorti un peu après où t'as N qui est un peu plus âgé, Nier, l'un des nouveaux personnages principaux qui rajoutent. Le concept de Misa, c'est déjà ça quoi. Juste là, c'est Ryuk. Attends, on va revoir Ryuk, c'est tout quoi. Je pense, ouais. Donc voilà, est-ce qu'on a fini là-dessus? On en reparlera, il y a beaucoup trop de choses à dire et on n'a pas la science pour parler de tout. Pandora Hearts, pour en reparler un peu, parce que j'aime bien rester sur le même sujet, ce qui est intéressant, c'est que. C'est pas un Neketsu du coup. T'as des combats, mais genre, en fait, t'en as très peu au final. Très peu d'affrontements, sensibilité féminine, si on veut, je sais pas. Mais en tout cas, l'auteur qui d'ailleurs a... Je pense qu'elle est gay, l'auteur, pour ce que ça peut changer. Parce que dans les intérieurs de couverture, les rabats, où il y a toujours un petit texte des auteurs ou quoi que ce soit, elle parle... Enfin bref, elle fait des sous-entendus, et je trouve ça cool, en fait, qu'elle puisse autant, genre... Je sais pas comment est le Japon vraiment vis-à-vis de l'homosexualité. Je sais pas s'ils sont super progressistes. J'imagine que non, mais j'avoue que je sais pas trop. T'en parles pas, c'est tout. Et du coup, je trouve ça très bien, en fait, de voir une femme auteure qui en parle un peu comme ça. Quand j'étais jeune, je me disais peut-être, et en fait, aujourd'hui, je suis quasiment certain que oui, clairement, elle est gay, et je trouve que c'est une très bonne chose de ne pas le cacher comme ça. Et, j'ai débordé. Et voilà, enfin, je voulais juste dire que c'est assez intéressant, c'est assez différent la façon dont ça se produit, puisque c'est, t'as rarement des gros combats, etc. C'est. Ah oui, tiens, on plutôt penser... sympathique. Dans les mangas clichés écrits par des femmes, il y avait Full Metal, mais. C'est une femme? Je m'en souviens plus. Et alors, j'ai pas fini Full Metal, mais j'aimais beaucoup. Oui, mais les personnages sont clichés. C'est tous des archétypes à la con placés, quoi. D'accord. Par contre, le thème est sympathique et la philosophie est cool. Mais les personnages sont handicapés. Alors, certes, il a un bras en. Ils ça ont commence. Un bras en moins. Il a un bras en moins et une jambe en moins. Tout le monde s'en fout parce que ça crée pas de handicap. Finalement, non, pas vraiment, je suis d'accord. Et son frère est en armure parce qu'il n'a plus de corps. C'est des thématiques assez intéressantes. Ça crée un handicap, je suis d'accord. Mais c'est pas parce qu'il est handicapé, c'est parce qu'il a plus de corps, ce qui n'est pas réaliste. Oh, tout de suite, dégoûté. En fait, il parle pas de thématique d'handicapé. Non, bien sûr. Et lui, il n'est clairement pas handicapé. Ça pourrait être développé. C'est juste le sorcier le plus fort de la Terre. De ce que je me souviens. Le sujet du handicap revient pas alors que c'est la concept même du manga. Et Alphonse souffre vraiment, le frère qu'en armure, genre il y a plusieurs fois où c'est peut-être pas assez pas poussé, mais c'est évoqué, genre le fait que effectivement, genre il en veut à son frère. Sachant que t'as une révélation, genre vers le tome 5-6, comme quoi en gros. C'est à cause de son frère, tout. Ouais, il y a un truc qui est fait. Non, il pense que son frère aurait pu modifier sa personnalité, un truc comme ça. C'est, en fait, c'est beaucoup plus tôt, genre tome 1 ou 2. Au final, c'est pas le cas, je crois, j'ai pas fini le manga, mais ça, Elric a l'air d'être quelqu'un de sympa en fait, donc. Non. Edouard Elric. Mmh. Mais voilà. Mais il peut y avoir un semblant de début de thématique du handicap qui est pas du tout bien traité. C'est pas ça le sujet du manga. C'est pas ça le sujet, en fait. Et du coup, on sent que quelqu'un lui a dit non, quoi. Mmh, mmh. Mais il y avait un concept, il y avait des idées, et il y avait un noyau, un espace pour développer plein d'idées très bonnes, qui au final, c'est les méchants, et voilà. Dans mon souvenir, c'est quand même pas aussi cliché que ça. Bah, le problème, c'est qu'elle fait. Enfin, elle met les 7 péchés capitaux, quoi. Et à ce moment-là, tu sais, il n'y a plus de réactivité. Les méchants sont des méchants, tu vois. Disons, surtout que je crois que les 7 péchés capitaux, c'est genre, ils sont. C'est pas comme dans Ultimo dont on parlait tout à l'heure, c'est vraiment, c'est les méchants purs. Genre, c'est le mal incarné. Ils représentent chaque âme négative. À moins qu'il y ait un truc dans le manga que j'ai pas lu. Etc. Parce que je me rappelle surtout de l'anime, qui a pas la même histoire que le manga. Ouais, non. Oui, clairement. Mais les méchants, c'est les méchants. Ouais, mais genre, c'est pas les mêmes, en soi. Genre, j'ai lu jusqu'au tome, genre, 15, je crois. Mm. Et c'était les mêmes méchants. Après, t'as Scar, qui est assez intéressant. Scar, je viens de me rappeler. Cliché, mais cliché. Oui, c'est le méchant qui, au final, est pas très non méchant. C'est ça. Mais le méchant qui tue des millions de gens parce qu'en fait, il défend son pays. Hein. En fait, c'est un génocide. Ouais. Si je me trompe pas, son peuple a été décimé complètement. Ouais. Et du coup, voilà, c'est thématique intéressante. Alors, encore une fois, elle était pas trop fouillée. Totalement. Je me rappelle plus. Non, mais il y a plein de thématiques intéressantes. C'est un bon départ. Mais ça finit sur Edward qui parle de philo pendant des tomes, quoi. ça me donne tellement envie, écoute. Ouais. C'est pas une blague, pour info. C'est vraiment pour les profs de philo, quoi. Même pas trop, ces gens-là. Non, pas trop, non. Ok. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Réfléchissons. Ouais, enfin, ça sert à rien de citer exemple sur exemple. Voilà, non, on reviendra sur les trucs. Voilà, on essaie d'être positif dans le. Bon, on va essayer d'être positif dans ce podcast si on fait un deuxième épisode. Mais ce qui est sûr, c'est que. C'est négatif non plus parce qu'on a fait que de dire qu'il y a des trucs qui n'allaient pas en citant des exemples où il y avait des choses. Voilà, exactement. Donc, ce qu'on veut, c'est que ça s'améliore. On n'est pas. Donc, on va pas tailler ou taper sur un manga. Je viens de le faire sur Fullmetal. Mais on va pas essayer de taper sur des mangas, etc. Tout le monde aime. Déjà, tout le monde a une sensibilité qui fait que. Tout le monde aime ce qu'il aime. Hein? Le piou-piou. Le piou-piou. Moi, je suis très piou-piou. L'espace qui tire dessus. Voilà. D'ailleurs, j'ai pas parlé des gardiens de l'univers, je sais pas quoi, je sais plus comment ça s'appelle. L'équivalent. Et donc, du coup, voilà, tout le monde a sensibilité. Le but, c'est quand même d'être positif. On parlera, comme vous avez vu au début du podcast, surtout sur ce qu'on aime, et etc. Et les actualités, éventuellement. C'est toujours important. Et ouais, je trouvais que c'était intéressant, déjà, pour servir notre personnalité et les thèmes qui nous sont chers, de commencer par une émission où on parle de ce qui nous manque dans les shonen. Et voilà, et bien sûr. Et ce qu'on peut trouver dans d'autres, genre en tout cas, pour moi et Lucas, effectivement, des mangas qu'on aime, il y en a plein. On est fan de manga, je suis un énorme fan de manga, mais juste voilà, on lit les mangas en sachant tous les défauts qu'il y a dans un manga, comme quand on lit des comics. Exactement. Ça n'empêche pas d'apprécier une œuvre. Il y a des fois si, en fait, quand les défauts sont vraiment trop poussés, ce qui est logique, hein, mais Comme Star Wars 9. Et non, lui, je l'aime pas. Ah oui, non, c'est vrai, exactement. Mais on peut comme faire Star Wars 1. oui, par exemple, enfin, les 6 même en soi. Et le 8. J'aime le 8. Mais ouais, enfin, tu peux faire abstraction des défauts c'est pas les nier en fait, c'est savoir qu'ils sont là, mais voilà. Tu peux aussi apprécier l'œuvre pour les autres qualités qu'elle a en soi. Non, exactement. Alors, heureusement, parce que sinon on n'apprécierait pas grand chose dans la vie en fait. Mais c'est vrai que moi, de mon côté, il y a des fois vraiment, c'est juste ça me bloque parce qu'en fait, je vois une scène et je vois le début et je me dis, ok, je sais déjà enfin. J'ai une sensation de déjà vu et je me dis bah j'ai pas envie de dire la même chose que j'ai déjà lu avant et du coup bah moi je me tourne vers des yaoi, je me tourne vers des seinen parce que en fait j'ai envie de lire quelque chose de différent et aujourd'hui quand je recommence à lire des shonen j'ai pas cette sensation de différent. Typiquement exemple flagrant qui s'est passé récemment, alors j'ai pas lu le manga, j'ai juste lu le premier épisode de Fire Force. Et en fait, le premier épisode de Fire Force, tout de suite, ça m'a pas du tout donné envie de lire la suite. Il y a deux personnages féminins. Le premier personnage féminin, bah, c'est la prêtresse. Et en fait, je me dis, si, genre, son rôle uniquement, c'est de faire à chaque fois sa prière pour parce que l'histoire c'est que c'est des âmes et il faut faire la prière pour que les âmes puissent partir en paix. Les démons en fait créent des incendies et autres. C'est ça. Et après, t'as une personnage féminin. Après j'ai vu effectivement que le premier épisode, donc ça se trouve la suite est meilleure, ça je peux rien dire par rapport à ça, mais c'est juste que dans l'épisode, eh bien tu as le mec en personnage principal et à un moment donné il se retourne vers la meuf, gros plan sur les seins de la meuf, donc tu sens que le mec il est déjà en mode c'est pas mal, et puis après c'est pire que ça parce que c'est pas on a un gros plan sur la meuf, c'est ses fringues à la meuf, c'est elle a la méga veste de pompier et elle est à poil en dessous et juste un soutif et soutif bikini. Donc c'est pas seulement le gros plan, c'est que le chara-design du personnage est une meuf à poil avec c'est pas genre une scène, c'est elle est non c'est ça, son design de base. Okay. Donc forcément moi je lis ça, je fais bah non, moi j'ai pas envie de lire un personnage, j'ai pas envie de lire ça en fait. Et c'est une grosse brute évidemment. Et c'est ça en fait. Donc du coup, je retrouve le cliché de la grosse brute, le cliché du mec qui va être en chien sur la meuf et puis après bah on va suivre ses aventures. Bah ouais, en fait, c'est vraiment enfin faut effectivement pas juger un manga sur le premier épisode ou le premier chapitre. Mais c'est stéréotype land et c'est immonde, genre vraiment dégueulasse. Mauvaise entrée de jeu quoi. C'est Naruto, c'est que... il est dans une équipe avec un mec trop beau gosse, avec une grosse brute, et avec un mec au grand cœur. Hein? T'as dit que tu t'acclais, tu n'enfonces pas. Mais je n'enfonce que le premier épisode. Après c'était génial. Après c'est ça, moi aussi. Mais il y a effectivement Hinata et une Tsunade, encore plus à poil que Tsunade, ce qui est quand même un miracle. Tsunade est pas à poil, elle a juste un énorme décolleté. Ouais, voilà. Bah, donc là, beaucoup plus à poil que Tsunade, et en jeune, et qui est une brute, exactement. Mais du coup, encore, voilà, pour nuancer mon propos, effectivement, ça se trouve, la suite est géniale, et que c'est super intéressant, et que ça va m'ambiancer de ouf. J'ai pas du tout le contraire. C'est juste, je suis arrivée à la fin du premier épisode, et bah, en fait, j'avais l'impression d'avoir, j'ai eu une sensation de déjà vu, d'avoir déjà des stéréotypes qui sont reproduits encore et encore. Bah, du coup, ça m'a pas du tout donné envie de lire la suite parce que j'ai envie de lire quelque chose de différent. Je comprends. Donc, du coup, bah, je préfère lire des tranches de vie, je préfère lire, d'autres mangas, en fait, d'autres types de mangas, tout simplement. Bien sûr. Après, c'est vrai que je suis pas un gros lecteur de shonen non plus, ça fait longtemps que je n'ai pas lu, en fait. Ok, si, j'ai refait quasiment l'intégrale de Sensei il y a pas longtemps, mais ceci mis à part, genre un nouveau shonen, j'en ai pas vraiment attaqué depuis un bon moment, je suis beaucoup plus axé seinen parce que t'as plus de diversité dans la représentation des personnages, tout ça. Après, je pense même dans l'histoire. Très bon. Oui, aussi. Dans l'histoire aussi, quoi. Mais ça pourrait donner envie, enfin, genre, si les shonen, si le Jump écoute ce qu'on dit et en tient compte, pourquoi pas. Évidemment, je leur envoie direct le podcast. Hein. Mais en fait, genre, Shaman King, c'est le premier manga complet que j'ai lu. J'avais déjà vu des épisodes des épisodes des Chevaliers du Zodiac avant ça, mais genre j'avais pas encore tapé, enfin puis d'autres trucs style Yu-Gi-Oh! Ou Pokémon, mais c'est vraiment le premier vrai manga que j'ai lu, et ça nuance vachement le reste en fait, de commencer par un truc qui a, ah bah oui, qui a si peu de clichés, il y en a, mais il y a Ren et Ororo qui sont les deux personnages en fait, genre, l'auteur l'a dit il y a pas longtemps dans une interview, c'est genre ceux qu'il a créé sans doute via son tonto ou autre, mais en gros c'est les deux personnages typiques de shonen qu'il faut, genre le méchant qui va devenir gentil mais qui est un peu une brute et tout ça, et le benêt en fait, qui est sympa mais qui est un peu con quoi. Ce qui n'est pas le cas de Yo. Yo est flemmard, mais c'est un personnage beaucoup c'est plus c'est un flemmard mais intelligent. Ouais. Ouais, bah moi je lis tout le temps des shonen à longueur de temps. En ce moment, j'avais mis un peu de recul sur les premières, enfin les nouvelles sorties qu'il y avait. J'ai juste vu et lu Kimetsu no Yaiba, les Demon Slayer. J'ai pas encore fait The Promised Neverland et j'ai lu Dr. Stone. Donc voilà, donc j'essaie de me tenir un peu au courant. Il y a Jujutsu Kaisen qui sort bientôt. Ça m'a l'air ultra stéréotypé et classique de base. Ça peut être très joli quand même et intéressant, mais. Mais ouais, c'est vrai qu'on sent que l'avenir est pas trop à l'originalité. Cela dit, The Promised Neverland est un peu le Death Note de cette décennie, a priori. Mais il est bientôt fini, d'après ce qu'ils disent. Il y a combien de tomes? Je sais pas, une dizaine peut-être. Okay. Il est bientôt fini, c'est a priori. Cool, en fait, donc, une petite série, ça. Moi, ouais. J'aime bien. Oui, mais du coup, ce sera pas, tu vois, ça va pas être leur porte-étendard pour les 10 prochaines années. Et en fait, ils cherchent One Piece est annoncé comme bientôt fini. Ils cherchent une nouvelle grosse direction. Ils cherchent une nouvelle grosse direction. Kimetsu no Yaiba est annoncé comme bientôt fini déjà. Donc peut-être un an, deux ans, trois ans. Si je pas, mais c'est. Mais voilà, on n'a pas cet énorme étendard que va avoir le Jump dans les prochaines années. Et bah, ils seraient. Fur à leur époque, One Piece, Shaman King. Voilà, Naruto, One Piece, ça fait 20 ans qu'ils sont dedans, ils continuent. Ensemble, et voilà, il faudrait que ce prochain étendard en question, ce serait cool, voilà, juste qu'il soit un peu plus représentatif. Ouais. Parce que regarde, voilà. Typiquement, tu as parlé de Dr. Stone. Un trio, deux mecs, non, une nana. Pas, non, pas, la nana, c'est la princesse à sauver. Et les deux personnages importants, c'est les deux mecs. Par contre, il y a une relation amoureuse assumée dès le début. Pour info, oui, Mélanie ça, est en train de sourire en disant ça parce qu'elle sait clairement qu'elle a pointé un truc. Hein? Elle a préparé son discours. Non, mais c'est juste que voilà, j'aimerais bien pouvoir effectivement parfois m'identifier à un personnage féminin, quoi. Voilà, même nous. Ouais. Parce que en fait. J'adore le docteur féminin, donc j'aimerais bien retrouver la. Ouais, chose mais si j'imagine en Anna, j'ai la repart de moi-même, tu vois. Oui, mais elle a une sensibilité au fond d'elle. C'est très caché. Il y a tellement d'histoires à raconter, tellement de types de personnalités. Des shoujo, hein. De gens. Et en fait, c'est ça, effectivement, il y a des shoujo qui ont ça, l'air intéressants, mais en fait, le. J'ai pas cité Clamp parce que c'est ultra stéréotypé, mais effectivement, c'est très bon challenge pour le coup. Tous les Clamp. Après, j'ai pas lu grand chose en fait, j'avoue, de Clamp, mine de rien, donc j'en parle. X, c'est quand même une guerre de fin du monde. C'est cool. Carte Kadokura, c'est un bon shonen, si c'est un peu long, et il faut pas lire la suite. Tsubasa, j'ai pas fini, mais j'avais Tsubasa, c'est classique, ça aurait pu être du Train Jump tellement c'était classique. N'oubliez genre, pas l'attaque de la Tour Eiffel. Mais t'as le côté multiverse qui était assez sympa en fait, où tu vas dans toutes les œuvres de Clamp. Tsubasa. Et c'était un bon lien ça. Ah après, j'ai lu Trèfle de Clamp qui était vraiment cool. Ah, pardon, je autant pour moi. C'est pas Captain Tsubasa, c'est. Il s'appelle Tsubasa dans les deux cas. Le Lionel, en fait, c'est Tsubasa, d'accord. En fait. Autant pour c'est moi, ça. J'ai fait une joke qui est tombée à l'eau. Pas de soucis, ça arrive. Mais donc, on vous remercie d'avoir écouté ce podcast. On vous dit à la prochaine, espérant que ce sera bientôt. Il y a des sorties intéressantes bientôt, donc selon le temps qu'on a et selon c'est ça. L'intérêt de la vidéo une fois montée déjà. Exact. On va aller voir ça. Enfin, pas de la vidéo, du de vos retours, de ouais, voir ce qui vous a plu, pas commenter, etc. Donnez votre avis. Faites des classements sur nous, vous pouvez aussi. Et puis même, n'hésitez pas à nous dire ce qui vous intéresserait, quel sujet vous intéresserait, qu'est-ce que vous avez envie qu'on parle, quels sont vos débats à vous, quels sont les débats que vous avez avec vos amis, donc. Voilà. J'ai pas relevé ton qu'est-ce qu'on avait envie qu'on parle, mais c'est pas un très beau français. Oui, c'est super. Pas un très beau français. Les grammes nazis sont de sortie. Apparemment, en fait, tous les gens, ils ont même pas un visuel, ils ont vraiment juste le son. C'est bien d'essayer de. Oui, non, mais bon, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas hésiter à donner des suggestions bien sur sûr. Des sujets qui vous intéressent, sur quel débat vous souhaiteriez qu'on mène, et puis si vous avez des retours par rapport à tout ce qu'on a dit, aux mangas qu'on a évoqués, aux animés qu'on a évoqués, n'hésitez pas à nous dire tout ça. Très juste. Bonne soirée à tous, bonne journée, à bientôt. Ciao, ciao.